Voilà. Donc, mes chers amis, George Banks, Professeur Worth, Capitaine Barrington, présent. Et Professeur Polat. Kassim Polat. Mais il écoute du métal dans son casque, lui. T'écoutes pas? Bien sûr que si. Vous allez, s'il vous plaît, tous me faire un petit jet de chance. Ah, enfin. Mais... enfin, les jeux que je réussis. J'ai raté, ça, yes. Mais non. Mais non. Ah, t'as réussi, t'es nul, t'as réussi. Oh non, mais non. Mais regarde, ça, on fait des 7 et des 11. Insupportable, c'est un mauvais début, ça. Ah bah mince, j'ai réussi. Non, c'est chier. Moi, je joue alors, pas ce soir. Mes chers amis, monsieur professeur Worth, tu vas me faire un petit jet de 10, s'il te plaît. Je suis dégoûté. Pour faire un 7, allez. Bravo à toi. En plus, l'autre fois, j'ai perdu 10 points de chance. Hein. Ah non, j'ai consommé 10 points de chance. Oui, mais t'as dégoûté. Tu les as perdus. Fais chier. Je vais faire grève. CGT. Grève illimitée. Alors, reprenons là où nous étions arrêtés. Je vais vite faire répéter pour les gens de YouTube cette fois-ci, puisque cette partie-là est pour YouTube. La dernière fois, donc, vous, non sans mal, vous avez réussi à récupérer le fameux livre, Les Murmures du Fez, que le professeur Worth a trouvé dans la cabine de la famille Meyers. Non sans mal, a réussi à te faufiler dans la cabine, malgré l'apparition d'ombres très... comment dirais-je... Belliqueuse et terrifiante, qui ont eu raison de l'état mental de notre ami George Banks, qui a eu énormément de mal à se remettre de ses émotions, finissant le pauvre garçon un peu en boule. Je dirais qu'il a perdu les os. Voilà, dans ses urines. Et si c'est pas que. Voilà, et pas que. Là, il mange les cacahuètes qu'il a perdu. Hein. Et Kassim Polat et le capitaine Barrington ont aussi eu la chance de faire face à ces petites ombres qui ont mis un peu à mal le capitaine Barrington. Pas trop, mais disons qu'il a un petit peu paniqué quand même, voulant tirer sur ces ombres. Du coup, ce qui a un petit peu alerté tout le train. Et le train s'est arrêté en urgence, faisant monter la douane hongroise dans celui-ci. Vous avez donc été confiné dans vos appartements, dans vos cabines, le temps de faire l'enquête. L'enquête qui n'a rien donné. Ils n'ont rien trouvé pour savoir qui aurait pu tirer dans ce train. Ils sont donc descendus. Vous avez donc voulu prendre des nouvelles de votre bienfaiteur Baron Von Hoffler, mais celui-ci était disparu, manquant. Vous avez noté que il y avait des produits qui ont du formol ainsi que une injection qui aurait pu pour le kidnapper. Vous avez trouvé également un mouchoir qui contenait où étaient brodées les initiales de IVH. Et plus tard, vous avez réussi à trouver qui était l'auteur de ce kidnapping, qui c'était autre que la fille du baron Von Hoffler, qui s'inquiétait pour sa santé mentale et pour son intégrité physique, et a préféré du coup le ramener à la maison plutôt que de l'exposer au danger. Vous avez croisé un peu plus tard Mancalf, enfin le professeur Worth a croisé Mancalf, et par quelques habiles, enfin des mots assez habiles, lui a fait comprendre qu'il savait que vous aviez trouvé les murmures du Fez. Plus tard, vous avez aussi croisé la comtesse Radzibowski, qui vous a demandé votre aide, puisque elle a rompu avec son amant, le cousin du comte, mais que celui-ci avait l'air d'être un petit peu agressif et avait un peu mal pris la situation. Mais pareil, vous avez suggéré ça de main de maître, et l'amant a décidé de ne pas faire de vagues et s'en tiendra à ça. Maintenant, vous êtes donc toujours dans le train qui est en direction de Sofia. Il arrivera vers 16h45, pardon. Vous avez pris un petit peu de retard suite au coup de feu tiré. Qu'est-ce que vous faites, du coup? Je vous rends la parole, allez-y. Où en est la lecture du bouquin? Donc vous décidez, oui, je ne l'ai pas dit, mais vous avez donc décidé du fait que le baron n'était plus là, de prendre en charge la lecture de ce fameux murmure du Fez. Donc c'est le professeur Pollat ainsi que le professeur Worth. Vous êtes mis à la lecture de la traduction. Alors, vous savez qu'il vous faudra à peu près entre 14 et 15 heures pour le traduire, sachant que là il est à peu près 11h30. Vous allez bientôt pouvoir vous restaurer. Et moi je peux vous aider un matin après t'arriver à Constantinople, à Serine, du coup. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas le finir avant d'être arrivé. Parce que t'as parlé de plus de. Vous arriverez à Constantinople sur les coups de 10h30, 11h. 11h30, ça fait plus de 12h. Donc là, vous arriverez dans 24 heures à. Vous arriverez sur les coups dans 24 heures. Bah oui, parce qu'il est 11h. Il est 11h et vous arriverez demain à 11h. Pardon. Donc ça vous fait 24h. Oui, pardon, effectivement. T'es peinard, tu auras le temps de faire un bébé avec ton partenaire. Donc. Évidemment. Donc, voilà, là vous après avez. Après lecture. J'estime que. J'estime qu'avec tout ce qui s'est passé, vous venez de commencer à lire le bouquin. Donc vous voyez qu'il y a du perse. Et une langue qui vous est totalement inconnue, qui est, vous avez reconnu un peu les glyphes qui sont sur le Fez lui-même. Voilà, c'est le même langage. Sumérien. Ouais, voilà. C'est la seule chose que j'ai déjà remarqué en ouvrant le bouquin. Voilà. Donc, Je crois qu'on avait compris que c'était sumérien, mais on avait pas réussi à le dire. Alors toi, t'as rien compris du tout, George Banks, parce que sumérien, tu sais même pas que ça existe. Mais c'est où la Sumérie? Moi, je suis professeur, j'ai des connaissances. Spécialiste en vol d'étudiants, ouais. Je vais bien sûr à l'université pour les voler. C'est vrai que vous en avez déduit que ça peut être quelque chose qui est proche du sumérien. Non. Les connaissances de professeur d'histoire là-dedans me permettent de. Même si c'est pas ma spécialisation, je suppose, je peux voir un peu de loin, me dire pourquoi pas. Voilà. Mais à vous deux, pour traduire le perse, voilà. En gros, vu la complexité des trucs, vous savez que vous pourrez traduire une petite partie, tout ce qui est en perse, mais le reste, ça a priori, ce sera le professeur Demir qui pourra vous aider. J'ai un peu de skill en langage, moi, ce qui paraît, je suis pas mal doué, non? Ou alors je confonds avec le Lord. Alors, je pense que... Tu es doué dans ta langue maternelle. Je pense que... Non, en fait, non, ouais, je confonds avec le Lord. Ouais, la langue maternelle, ouais, je suis blindé, là, je suis un philosophe, mec. Alors, bon, voilà, du coup, j'estime que vous êtes tous les deux... En train de traduire, donc que faites-vous, George Banks et le capitaine Barrington? Je suis en train d'aller au bar pour boire. Tu vas aller au bar. Je laisse les zigotos tout seul, je vais accompagner le jeune Banks. Celui qui m'a engueulé après un verre de bière la dernière fois parce qu'il se croyait pauvre et qu'il voulait se justifier. Un verre de whisky. Non, je suis pas engueulé. Pas mal. T'as cherché à te défendre avec vaillance. Écoutez, allez-y, je vous laisse. Vous allez boire un coup. Sachant que. Je vais faire un cigare de ma collection. Vous savez que d'ici peu, vous allez pouvoir vous restaurer, puisque, étant donné qu'il est 11h. On se détend du mieux qu'on peut. On boit, on fume. Okay. Mais là, moi, au domestique qui passe. Non, toi, tu fais ça, pas moi. Bon, bah, après, si je fais ça, je finis en taule. On fait des chatouilles. Ah, ouais, toi, t'es déjà passé par la castole, toi, ouais. Non, jamais. Moi. Enfin, je n'en ai pas parlé, en tout cas. La seule fois que j'ai failli, c'est quand le professeur Smith m'a aidé, ensuite. Et puis, t'es passé par la taule ou pas, alors? Non. Non, je suis pas passé par la tôle. T'es passé par les barreaux, c'est pareil. T'es... Non, on va dire que j'ai perdu. Ou du côté de l'ombre. C'est, mais j'ai réussi à dégoter un accord. Ah, t'as tendu les barreaux, t'es passé par là. Voilà, moi je fais bonjour à l'agent, il m'a fait laisser sortir, quoi. Bonjour, Mr. Messer, est-ce que j'ai pu y aller? Ah ouais, bien sûr. Là j'estime j'ai que... J'ai plus de cigares pour mimer, je peux que mimer, faire le cigare, j'ai plus de cigares sur moi. Là, on va faire un truc. C'est que tout ce que vous êtes en train de dire maintenant, c'est ce que dit votre personnage. C'est ce que je prétextais faire, en fait. À partir de maintenant, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est dit par votre personnage. Donc ça peut être entendu par quelqu'un d'autre. Un verre de scotch, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Je t'amène un verre de scotch. Un double pour moi. Un double, d'accord, monsieur. Il me reste quelques cubains encore avant qu'on arrive à Constantinople. J'espère que là-bas ils vendent des caisses. Ouais, garde-les pour toi, moi je fume pas ce genre de truc. Tu fumes pas ce genre de truc? Qu'est-ce que tu fumes donc? Les cigarettes de base. Cigarettes? Ah, j'ai pas de cigarettes. Non, moi j'ai. J'ai demandé à Kassim, je crois que Kassim il en a, non? Non, mais moi j'ai les miennes, c'est bon. J'ai pas tout fumé hier soir. Bon alors, qu'est-ce que donne cette jolie reporteuse? Reporter? Très sympa, très sympa. Après, on n'est pas du même monde, quoi. C'est tout, très sympa. Ouais, sympa, gentil. Après, un petit thé de cardage, quoi. Mais... normal. Après, faut voir ce que ça va te dire. Hein, mais vraiment, dans 3 jours, tu crois que j'ai trouvé la femme de ma vie, toi? Fou. Ah bah, toi, quand t'étais en campagne, est-ce que t'as trouvé ta femme de ta vie là-bas, quoi? En campagne, je trouve pas la femme de ma vie. Je prends les femmes que je veux avant qu'elles me donnent leur vie. Je ne veux pas savoir, en fait. Voilà ce qui se passe en campagne. C'est la boucherie. Non. Voilà. Mais je voulais pas savoir, en fait. Vous voyez MacGregor rentrer dans le salon. C'est qui déjà, c'est qui déjà, MacGregor? C'est la journaliste. Ah. Je la salue. Mademoiselle. Elle te fait un geste de la main avec un grand sourire. Ben, je vois que c'est pas la fin de ta vie. Mais vas-y, laisse-moi mon verre. D'accord. Je me dirige vers elle, alors. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je suis heureux de voir que vous n'avez pas été. Que ce n'était pas vous la destinatrice du coup de feu. Oh oui, écoutez, j'ai eu très très peur. Je ne m'attendais pas à tout ceci. Surtout après ce qu'on a dit ensemble. Vous savez, vous avez une idée de qui aurait pu faire ça? Le coup de feu, non. Non. Mais par contre, j'ai du nouveau d'ailleurs par rapport à ce que je vous ai parlé l'autre jour. Vous savez, les personnes qui sont parties du train. Ah bon? Oui. Sa fille qui est venue le chercher, en fait. Et qui a utilisé de chloroforme. La fille de Von Hoefler? Ivola, ou comment ça s'appelle, Isella, Isola, je sais plus. Isla. Isla. Y a pas plus compliqué. Moi, j'ai pas retenu le nom, hein, c'est bon. Je sais que c'est sa fille. Oui, ouais. Sa fille. Ah, d'accord. Ah, c'est surprenant. J'avoue que j'avais pensé à tous. Donc, c'est elle que j'ai vue sur le quai, alors, avec un homme. Ok. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'elle était jeune. Mais, ouais. Maintenant que vous le dites. Elle a eu peur pour son père. Elle a eu peur pour la sécurité de son père. Et vous avez vu ce qui est arrivé le lendemain, quoi. Enfin, le même soir, quoi. Ah, un coup de feu, tout ça. C'est sûr, mais vous pensez qu'elle était dans le train ou qu'elle est, enfin, elle est restée avec nous dans le train. Je pense qu'elle est, elle était dans un autre wagon. Ah, ouais, c'est plutôt judicieux. Hein. Parce que je vois pas comment elle aurait fait sinon. Et que font vos amis, le professeur, les professeurs là, de Polat et Worth? Bah, ils ont un peu peur là, ça les a un peu éprouvés là, ce coup de feu, ces disparitions. Ils ont peur un peu pour leur vie. Pas vraiment des gens d'action. Ouais, vous leur avez donné un petit peu de réconfort, enfin, je suppose que. Oula, vous avez aidé psychologiquement. Non, mais je veux dire psychologiquement. Oui. Ça a été vous avez pas trop eu peur hier soir? Non, ça allait. J'ai réussi à. Bah, vous savez, je n'ai pas vraiment de beaux quartiers. Hein. Donc, j'ai connu les coups de feu et tout ça. Ok. Je suis à Dour, sur les quartiers. Je me fais dessous. Alors, du coup, ouais. On, pas besoin de ça. Mais qu'est-ce qu'il dit, votre ami, là? Je sais pas, il a l'air de se moquer de vous. Non, mais. C'est les personnes de. Il a fait des campagnes, c'est un soldat. Lui, il rigole bien quand on parle de personnes qui ont peur de coups de feu. Des souvenirs de Bouddha, mademoiselle. Des souvenirs de Bouddha. D'accord. C'est pas son premier scotch. Ah, je comprends mieux. Surtout quand c'est un double. Ah oui, les gars de l'Afghanistan, quoi. Vous voudriez un verre, mademoiselle? Ouais, écoutez, il manque à tous ses services. Il m'a ni présenté et il nous a ni offert de verre. Allons-y, servez-moi un. Un double, comme le monsieur, là. Allez. Et une femme qui boit un double scotch, c'est pas souvent, hein, surtout à cette époque. Ouais. Comme le monsieur. Et un cigare cubain, ça vous dirait? Il m'en reste quelques-uns. Allez, donnez. Allez. Et je lui crotte la lumette et tout ça. Ouais, j'en regarde qu'un avec des gros yeux. Tu vois qu'elle gère, aussi incroyable que ça puisse paraître, elle gère, autant pour le scotch que pour le cigare, comme si c'était pas la première fois qu'elle faisait ça. C'est rare, les femmes, c'est rare de nos jours de voir des femmes de votre trempe. Ah, écoutez, à qui dites-vous? La grand-mère vous aurait bien aimé. Elle avait des bonnes manières fortes comme ça. Disons que. Je suppose que vous savez que c'est un peu mal vu de nos jours, une femme qui est indépendante et surtout seule, qui voyage seule. Voilà, j'ai un peu l'habitude maintenant, donc je veux vivre ma vie comme je l'entends, sans que personne ne m'impose quoi que ce soit. Mais faut faire attention à vous quand même, hein, parce que il y a plein d'hommes mal intentionnés. Ah, vous savez, j'en ai vu d'autres. Une femme qui part dans le journalisme, j'ai déjà pris pas mal de voyages. J'étais à droite, à gauche. Alors, je suis pas allé dans les zones de guerre. Hein. Je vais éviter pour l'instant. Mais j'en ai rencontré des petits marioles qui ont cru que... Vous avez parcouru quel pays jusque-là? Je suis allé... En Afrique du Nord, je suis allé en Asie, un petit peu. Voyager en Asie, les États-Unis aussi. Du côté de l'Inde ou du côté de la Birmanie, etc. Plus Inde. Hein. Bah oui, étant des îles britanniques. Ouais, souvent, l'Inde. Souvent, oui, vous êtes. Ouais. Voilà, c'était une destination logique pour moi. Le thé me manque là-bas. Voilà. Enfin, écoutez, en tout cas, ça me fait plaisir de vous connaître. Vous êtes le... Je suis capitaine, appelez-moi capitaine. Capitaine. Barrington. Capitaine, mon capitaine. Ah, le moussait pas trop quand même. Hein. Oh, écoutez, c'est un ancien quoi, l'Afghanistan, tout ça. Il en a vu d'autres. Mais qui vous a parlé d'Afghanistan? Je vous ai jamais parlé d'Afghanistan. Ah, oh, écoutez, au niveau, si vous êtes capitaine aujourd'hui, vu votre âge, voilà, on en déduit, j'en déduis que vous y êtes allé forcément. Ouais, ouais. C'est une bonne reporter que vous voulez, vous, capitaine. Eh oui, c'est des formations professionnelles. Et où est-ce que vous prenez vos sources, là? Parce que vous supposez beaucoup bien. Non, c'est bien. Déduction, ça fait déduction. Très bien, très bien. Et aussi, vous parlez un peu fort, capitaine. Pardon? Vous parlez un peu fort, capitaine. Ah, oui. Qu'est-ce que vous dites? J'ai rien entendu. C'est un capitaine, c'est normal. C'est à cause des coups de fusil, hein. C'est à force, ça rend sourd. Les réflexes... C'est oui, bah le réflexe de l'autorité, hein, faire voyez un peu comme ça. En tout cas, voilà, moi je vais vous laisser, mes amis. Je vais continuer un peu à rédiger mes articles dans ma cabine, un peu de calme. Mais je garde votre cigare, mon cher ami. Tu vois qu'elle part avec le cigare. Ouais. Mais vous êtes de quelle cabine, de quel wagon? Ce wagon là? Oui, je suis dans le même wagon que vous. Une cabine 43? Si vous voulez, oui. Bonne soirée, mademoiselle. Oh, on est encore qu'à la mi-journée. Il est pas 11h du soir, un truc comme ça? Non, non, il est 11h. Non, mais c'est. Il est 11h. D'accord. Oui, la soirée, okay, mademoiselle. Vous avez un peu abusé du scotch, capitaine. Ah, justement, pour lui, la soirée commence. J'ai oublié de remonter mon gousset. Du coup, elle vous fait un signe, un grand sourire, et elle s'en va. Avec ton cigare et un petit air, tu vois, pétillant, elle est contente, elle a fait son petit effet. J'attends qu'elle ferme la porte du compartiment du. Oh non, elle a. Vous voyez qu'elle est, elle a quitté le. Elle a quitté. Ok. George, quoi, t'as vu, tu connais son numéro de cabine maintenant, tu peux toquer si jamais t'as besoin d'un service. Tu l'es. Tu sais ce qu'on dit, normalement, on mêle pas travail et vie privée. Tu travailles où là? Tu travailles pas pour les cheminots? Je travaille pas pour les cheminots, mais je travaille pour Smith. Et non. On n'est pas du même monde, non. Bien entendu, elle fait je sais me débrouiller. Bon, c'est normal si tu prends le. Elle a répété deux fois qu'elle était seule. Oui, non, mais c'est normal moment, après qu'elle arrive à se débrouiller. Quelqu'un. C'est normal qu'elle arrive à se débrouiller. Hein. Après tout, c'est normal qu'elle arrive à se débrouiller. Le temps passe. D'ailleurs, vous voyez que. Des employés viennent vous voir pour vous proposer de vous mettre à table puisque le repas va être servi. Donc je suppose que vous avez peut-être un peu faim et que vous allez probablement aller vous restaurer. Ouais. Oui. De votre côté, Paulat et Wers, vous entendez quelqu'un toquer à votre porte. Avec le micro, c'est mieux. Bah, je dis à Paulat de rester dans le lit. Et je vais aller. Je reste dans le lit. Oh, ça va, on peut rire. Alors, tu vas ouvrir, donc, je suppose. Ouais, est-ce que... Attends, moi, j'ai pas d'arme, en fait, attends. Est-ce que j'ai une arme sur moi? Non, bonjour, comment allez-vous? Non, mais tu sais, mais l'avoir dans la poche, mais j'en trouve la porte. Non, quoi, non, parce que si c'est. Il y a encore le sabre accroché à côté du. Je sais pas. Dans tous les cas, je vais. Il y a encore le sabre accroché à côté de la porte. Je mets ma main sur le sabre, tu sais, prêt à donner un coup si c'est un des membres qui a un fez rouge, tout ça. Bon, dans tous les cas, j'en trouve la porte. Et ben, quand tu ouvres, tu vois qu'il y a un employé du train qui vous dit oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est l'heure du repas, donc si vous voulez, on peut vous faire servir dans votre cabine. Tiens, je regarde, j'ouvre la porte, je regarde, tu sais, quand même à gauche et à droite. Je lui dis non, merci, nous n'avons pas faim et nous voulons pas être dérangés. Mais voyons, mon ami. Je ferme la porte. Alors, l'employé a quand même entendu le « mais voyons, mon ami ». Oui, je sais. Donc, il y a pas de souci. Il ferme la porte, soit. Oui. C'est pris la porte au nez, c'est pas grave. Mais du coup, je continue ma phrase. Vous savez, je suis resté bien je crois, un soir ou deux avec notre ami Berrington. Le repas est effectivement servi comme ça. Faut pas non plus, je pense. Je comprends votre suspicion, mais... Alors, sans sous-entendu, je vais dire, mais je préfère que nous ne soyons pas dérangés. Oui, je comprends. Restez donc dans le lit. Continuons à lire, essayons de déchiffrer les secrets de ce langage. Bien soit. Mais je pense qu'à un moment ou un autre, il faudra que nous nous restaurions, histoire de maintenir quand même notre matière grise bien éveillée. Je pense qu'on va enfin retourner à Constantinople et manger les fameux loukoum. Ah. Ça va faire le plus grand bien. Ah, Mam et le thé à la menthe. Comment ça des clichés, pardon. Sinon, on essaie de déchiffrer toujours. Voilà, vous venez de commencer, ça fait une heure que vous êtes dessus. Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que vous ayez fait des miracles. Hein. Vous voyez à peu près que vous venez de comprendre que c'est un petit peu le bouquin mode d'emploi. Hein, la notice du Fez. Du Fez. Voilà. Ouais, c'est la notice IKEA. Alors, Fez. La langue est en deux langages, le perse et le sumérien, a priori. Malheureusement, mais on est tous d'accord. L'anglais. On a compris que le perse n'a rien à voir avec la partie sumérienne, c'est-à-dire que c'est pas une traduction perse de la partie sumérienne. Non, en fait, c'est que tu as des passages qui sont en perse et d'autres qui sont en sumérien. Donc, après, oui, vous ne pouvez pas savoir si c'est la traduction ou. Mais tu vois que les passages en sumérien sont pas les plus. Sont pas la majorité du bouquin. D'accord, c'est majoritairement perse. Une petite partie. Du coup, c'est comme des citations, en fait. Mais c'est comment c'est, est-ce que les deux sont entremêlés ou est-ce que c'est vraiment t'as une partie perse de 600 pages et 10 pages sumérien ou est-ce que c'est vraiment. En fait, t'as un petit pavé et puis de temps en temps, t'as des paragraphes ouais, c'est entremêlé, en sumérien. Voilà. Donc ça peut faire un peu citation, ça peut faire un peu ce genre de choses. Oui. Donc, c'est intéressant déjà à noter sur la structure, en fait. Voilà. Mais okay. Voilà, vous vous replongez dans vos traductions. Pendant ce temps-là, nous avons le capitaine Barrington et George Banks qui sont en train de se restaurer. George Banks, lui, est parti aux toilettes. Pour l'instant, il n'est pas présent. Et donc, il n'y a que toi, Barrington, qui est à table. Et tu vois, les gens sont venus. Donc, encore une fois, le comte, la comtesse, ainsi que son garde du corps qui sont présents. Tu vois votre très cher ami Mancalf en bonne compagnie, puisqu'il est toujours avec son garde du corps. Et la petite femme Meyers. Et ils sont en train de manger. Il y a MacGregor qui est revenu aussi, qui te fait un signe de la tête encore pour te remercier pour le cigare. Et une autre femme, a priori c'est la dame qui accompagne la comtesse, qui s'est mise à une autre table toute seule pour manger. La compagne de la dame de compagnie de la comtesse. Hein. Donc la compagne de la comtesse, je me dis merde. Puis, non, la dame de compagnie, ouais, c'est celle qui s'occupe d'elle, quoi, en gros. Hein. Ouais. La comtesse, ouais. Moi, je suis pas très diplomate, je vais pas m'aborder dans le jeu. Non, mais tu manges tranquillement. Si y a un regard revolver, je dégaine mon revolver, par contre. Non, tu vois juste que, ouais, de temps en temps, surtout que j'ai bougé, pardon. Minecraft peut avoir un petit regard de travers, un peu énervé. Tu sens qu'il est très irrité. Donc, tu devines facilement pourquoi il l'est, puisque tu sais que vous lui avez piqué son... Vous lui avez piqué son bouquin. J'ai vu pire. Donc c'est juste des regards un peu... enfoiré. Bon, je fais rien de particulier, je vais aborder personne, ça c'est certain. Mais vu que j'ai bu et que j'ai un tempérament assez au sang chaud, je risque de dégainer plus vite que je pourrais le penser, tu vois. D'accord. Voilà. Mais sinon, je mange et tranquille, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, la journée se passe, parce que bon, là, vous allez manger, il se passe pas grand-chose. À part si vous vraiment... et là, je parle aussi pour vous deux, les professeurs. S'il y a quelque chose que vous voulez faire, disons que la journée... avance un peu normalement, mais si jamais vous avez quelque chose, envie de faire quelque chose, n'hésitez pas de me le dire. Et dans ce cas là donc pour l'instant nous avons nos professeurs qui sont à fond dans leur truc, à savoir dans la lecture du livre, hein. Oui, on est d'accord, hein, y a pas de... Donc en gros ça vous ferait terminer sur les coups de dans la nuit, en fait. Parce que 11h, ça fait 10h, ça fait 21h, ça fait plus 5h, ouais, ça va faire du 2h du matin, quoi. Genre, si vous êtes à fond... Ça va. À la bourre, ça fait 3h du mat. Ouais. Voilà. 3h, après, ça nous laisse dormir, en vrai, jusqu'à l'aube, et ça nous fera un petit peu de repos avant d'arriver à Constantine. Ça nous laisse dormir jusqu'à 6h du matin pour le petit-déj. Ouais. Voilà. Franchement, on va faire ça. J'ai connu pire. Des nuits blanches, j'en ai connu pire. J'ai connu pire. Du coup, bon, malheureusement, nous avons perdu le George Banks qui a décidé. Ah, le voilà. George Banks, il est retour. Donc, je vais le laisser. Voilà, je vais lui laisser revenir. C'est bon. Donc, George Banks, tu es de retour. Il pose lui en même temps. Vous avez mangé. J'estimais que. T'étais parti aux toilettes, mais t'es revenu. Hein, vous avez mangé. Il y avait un peu tout le monde qui était là. Mais bon, il s'est rien passé. Pour taquiner très légèrement, George, j'ai une copine qui est passée. Quoi ? Elle t'a fait un clin d'œil. Elle m'a dit de te faire un clin d'œil de sa part. Ouais, je sais. Ouais, je sais. J'ai eu son texto. Du coup, ce soir, c'est quoi ? C'est homard ou caviar ? Alors, la journée se passe. La journée se passe. Et comme j'ai dit aux autres, si jamais toi, tu décides de faire quelque chose, tu me le dis. Sinon, la journée avance et voilà. Moi, je décide de faire quelque chose. Je disais ça à George Banks parce qu'il n'était pas là, il vient d'arriver. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez quelque chose que vous voudriez faire, vous me le dites. Sinon, la journée avance Juste un dernier regard à la chambre de l'autre professeur, le disparu, le baron. Le baron, tu veux retourner dans juste un clin d'œil, voir si la porte est ouverte ou fermée. Et si c'est fermé, au pire des cas, je force rien du tout. Hein, si c'est ouvert, je regarde s'ils ont commencé à ranger ou pas, s'ils ont laissé le bordel. Juste ça. Quand tu passes, effectivement, tu vois que la cabine a été littéralement passée au Karcher. À la Gemelle, ouais. C'est nickel chrome, quoi. Le lit est fait, tout est fait. Il n'y a plus un machin par terre. C'est parfait, quoi. Ok. Tout a été rangé. Et toi, George Banks, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire ? Oui. Moi, oui. C'est par rapport aux hommes de main de Mehmet Makriat. Oui. J'aimerais faire gaffe à eux et comment ils nous regardent. Ben, en fait, quand ils nous regardent, comment ils traînent autour de nous. Si jamais ils traînent autour de nous. Bah, en fait, tu remarques que, comme c'est fut le cas la dernière fois, que quand, en journée, puisque le soir, vous avez réalisé qu'ils n'étaient pas présents dans le couloir, mais en journée, ils sont au fond du couloir du wagon où vous êtes, et ils regardent si quelqu'un ne va pas perturber, en gros, la cabine des meilleurs. Tu vois toujours ces deux mecs, dont un qui a un fez rougeant sur la tête, et qui a un regard livide, sans vie. Limite, c'est devenu un robot, quoi. Il n'a pas d'expression, rien, il est froid. Alors que l'autre, lui, qui n'a pas de fez sur la tête, bah, a des réactions normales. Ouais, d'accord. Donc ils discutent quasiment jamais ensemble. Il y a vraiment zéro discussion. Tu vois que celui qui n'a pas de fez, bah de temps en temps fume une clope en regardant dans ta gauche, mais il n'a pas de discussion non plus. Et que l'autre, mettre une hypothèse. Oui. Est-ce que ce serait, ils n'ont pas de discussion entre eux parce qu'en fait celui qui a le fez peut pas vraiment, enfin, avoir une discussion cohérente avec l'autre. Je veux dire que celui qui a pas de fez est tout à fait normal, il peut discuter, et que celui avec le fez, justement. Faut pas lui demander l'heure parce qu'il va pas nous répondre. C'est ça. En gros, tu te rends compte quand même que celui qui a un fez sur la tête a l'air quand même d'être ailleurs, quoi. D'accord. Il est pas présent mentalement. Bah moi, je les surveille discrètement, en fait. Ouais. Je reste dans le salon la journée. Et... Je picole pas, mais presque. D'accord. En tout cas, le temps c'est cool. Hein. Rien ne se passe trop. À 16h, effectivement. Enfin, non, 16h45, effectivement, vous arrivez à la gare de Sofia. Bon, bah, c'est pareil, il y a des gens qui descendent du deuxième wagon. Du premier, tout le monde reste là. Vous voyez, bah, on décharge des choses, on en rentre d'autres, ils font le plein de flotte pour le train. Et puis au bout d'une demi-heure, le train repart sur sa route. Le temps s'écoule encore. Tout se passe bien. Toi, Barrington, tu fais un peu ton petit tour, tu restes au bar, tu discutes avec le barman. Vous parlez un petit peu de tes expériences dans l'armée, tu lui racontes quelques-unes de tes campagnes. Je lui raconte des histoires de boudin, quoi. Voilà. Quand je dis des histoires de boudin, c'est des histoires militaires. Hein. Voilà, tu lui racontes tes histoires de combat où tu étais plus que vaillant. Tu as tué de nombreux hommes sans sourciller. Non, mais c'est un truc à rendre dingue quand tu es. Non, tu es un homme, même en tant que militaire, c'est un truc. C'est un ouf. mais le barman est vraiment impressionné parce que pour lui, la guerre. Ouais, non, mais avoir des médailles, c'est bien beau, avoir du courage, mais bon, pendant que t'as le courage et que tu gagnes ta. Avant de gagner la médaille du courage ou un truc comme ça. Tu vois, on chie dans nos pompes. Tu vois que c'est un gars d'une vingtaine d'années et le gars te dit... Il a les yeux pétillants et ouais, ouais. Et tu vois que le gars dit « Ah, franchement, j'espère que je ferai jamais la guerre. Que j'aurai jamais à la faire. » J'espère que la guerre ne gagnera pas ici. Enfin, là, on est à Sofia. Ouais. Bon, nous sommes en 1893. Le gars te dit « J'espère que j'aurai jamais à faire la guerre. » J'espère pour toi, petit. Enfin bref, s'il savait. Vous finissez là-dessus. On continue un petit peu à parler de tout et de rien. Après tu lui parles un peu de tes conquêtes, les femmes que t'as pu croiser. Parce que c'est aussi ça. La vie militaire, c'est aussi les femmes. C'est aussi les femmes. Ça fait partie. Histoire de conquête, un marin à chaque port, un militaire à chaque truc. Voilà, donc ça fait partie un peu du truc. Et de ton côté, George Banks, puisque nous savons pertinemment ce que font les deux autres, hein, ça lit du bouquin. Toi, de ton côté, George Banks, bah, pareil, tu flânes un petit peu. Je lis le journal. Voilà, tu lis le journal pour te donner une petite constance. Tu vois, bon, je sens le lire, j'ai les BD, tu vois. Enfin, genre. Là, tu vois. Mais bon. Voilà, tu fumes des clopes. Des fois, t'écoutes un peu avec un petit peu de d'humour. Enfin, avec un petit rire quand même. T'écoutes les histoires du capitaine sans trop intervenir. Juste avec un petit sourire en coin. Parce que tu t'imagines. Alors, en mode, c'est vraiment des galères de riches, ça, quoi. Non, mais tu sens qu'il enjolive un petit peu, qu'il rajoute du sel sur le truc pour faire un peu plus flamboyant. Tu vois. Mais ce que je peux faire, par contre, c'est zioter les petits objets de valeur qu'il y a dans la salle. Oh ben ça, des objets de valeur, il y en a plein. Hein, t'es dans l'Orient Express. Les petites cuillères en laiton redorées d'argent. Ou des cuillères en argent. Voilà. Ah, je sais pas piquer une cuillère en argent, ça se fait pas. Mais oui, ouais, des choses de valeur, il y en a plein dans l'Orient Express. Nous sommes dans le train du luxe. Luxe ouais, absolu. Je sais pas piquer une cuillère en argent, on n'est pas dans Les Misérables quand même. Voilà, tu vois que. Mange du charbon et ronge ton frein. Les gens que tu croises, tu les connais maintenant. Parce que vous êtes quand même. Voilà, donc c'est la comtesse, c'est le comte. Compte qui, voilà, il sort pas d'argent parce qu'il a pas besoin, tout est compris, donc il y a pas besoin de sortir d'argent. Ouais. Mais il a la note à la fin du bras. Voilà, il a une espèce de montre à gousset qui est en or et qui est magnifique, sertie de pierres précieuses. Ah, mauvais goût ça, mauvais goût. mais tu sens que ça coûte énormément d'argent. Mais tu sais aussi qu'à côté de lui se trouve un énergumène qui a pas l'air de... Tu vois, il vaut peut-être pas mieux trop de frotter à lui, tu vois. Si jamais il oublie sa montre... Voilà, allez. On va dire que une montre à gousset, normalement, il y a une petite chaîne. La chaîne est reliée normalement au veston. Et donc, pour l'oublier, il faut l'arracher, quoi. Il faut faire un trou au veston. Ah mais ce genre de personnes-là, ils ont pas mis le petit truc au veston, quoi. Voilà. Tu rigoles, quoi, les domestiques, ils sont des filles comme la peste. Toc. il fait là. Tiens, il est 18h maintenant. Tiens, il est bruit, moins le quart. Effectivement, le temps passe et l'heure du repas du soir. On fait que se gaver dans ce train, j'ai remarqué. Il faut faire du sport. Vous êtes bien servi. Pareil, quelqu'un vient toquer à votre porte pour les deux. Je vais me courroucer. Là, je dis ça à Paulette. Je vais me courroucer. Et vous voyez. J'ai bien dit et j'ai demandé l'obligeance de ne pas être dérangé. Alors, tu vois quand même que derrière. La personne dit, écoutez, je sais que vous ne vouliez pas être dérangé, mais étant donné que vous avez quand même loupé le repas du midi, je vous propose tout de même de vous restaurer un petit peu. Donc si vous voulez, je vous laisse le plateau derrière la porte et vous viendrez le prendre quand vous le voudrez. Vous voyez que c'est un bon c'est repas ça. Après, ils sont à attends, on dirait prise d'otage. Mais c'est le truc derrière la porte, le plateau avec. Quand c'est quand même un peu avoir faim, non. Merci beaucoup. Je pense quand même que après ça c'est moi qui parle, hein, mais vous avez quand même super la dalle. Hein. Je sais autant que c'est important pour vous de traduire ce truc, mais vous êtes pas des machines. Vous avez pas mangé depuis hier. Je pense aussi qu'on est tellement dans le livre qu'on se rend pas compte de ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on est plongé dans le travail, mais on n'entend pas le ventre gargouiller, même si c'est le cas. On est quand même concentré alors qu'on est en train de crever. Ah, attends, ça c'est toi qui le penses, mais est-ce que Paulat pense la même chose? Alors, je pense effectivement que quand tu es focus sur un projet et que celui-ci est vraiment vital, il peut t'arriver des fois de sauter des repas et à la fin te retrouver à 2h du matin faire « Ah mais ouais, j'ai faim !» Mais bon, après on peut supporter une journée de jeûne. C'est clair que bon, tu me demandes de faire non, ça mais une toi, semaine, t'es habitué, je commence à taper notre mini-wars. Mais franchement, une journée de jeûne n'est pas si compliquée que ça. Ça n'empêche pas de travailler. Je viens de comprendre. Par contre, se voir, ça peut être chiant. Enfin, bref. C'est parti du jeûne. L'employé vous laisse le plateau quelque part. Si vous voulez le prendre, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Tu lui dis que tu fais ramadan. Il s'inquiète pour vous quand même. Voilà, c'est un employé de prestige. Il veut le bonheur de ses passagers. Ok. Est-ce que vous voulez faire quelque chose, mes amis Barrington et George Banks? Là, c'est, le repas est terminé quasiment. Ou vous êtes en train Je prends un petit digestif, le verre à la main, et je fais un tour de coursive pour vite fait, histoire de marcher un peu, parce qu'on reste toujours assis debout, couché. C'est ça. Au final, vous êtes dans un train qui avance, donc c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où aller. Hein. Il n'y a pas de tapis de fitness, Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un jeu de cartes et je vais proposer à des personnes de jouer aux cartes, en fait. À qui? Et de leur apprendre aux personnes qui sont intéressées, une personne amicale. Et leur apprendre les jeux de cartes de Baker Street, quoi. Ok, d'accord. Tu vois le comte a l'air intéressé par ton jeu, puisque malheureusement il est venu te voir te demandant ce que faisait le professeur Worth, puisqu'il voulait l'inviter à faire une partie d'échecs. Mais étant donné qu'il est pas là et que tu vois en train de bidouiller tes cartes, tu lui proposes le truc et par curiosité, il accepte. Donc il te regarde faire, il dit allez-y, expliquez-moi, je vous écoute. Maintenant faut que je prenne un jeu de cartes, super. Tu m'as proposé un jeu de cartes. Non mais je lui proposais, je sais pas si le poker était déjà en vogue. J'imagine que oui, que c'était, le c'était poker, peut-être encore obscur. C'est obscur ou pas? Comme ça, c'est obscur. Je voulais savoir si le poker c'était obscur pour les gens de son époque et non, tout ça. Non, les gens de sa caste. C'est quelque chose. Non, c'est quelque chose qui. Il sait que ça existe. Alors, il y joue pas forcément parce que c'est pas peut-être pas forcément le jeu avec lequel il a l'habitude de jouer. Mais il sait, hein, parce que c'est déjà dans les casinos, tout ça. Il y a déjà des grosses parties de poker pour beaucoup d'argent qui se font. Ben voilà, un blackjack. Le blackjack, ça doit être plus récent que le poker. Propose le blackjack. Qu'est-ce que tu veux, un blackjack? Allez-y, je n'ai pas l'habitude de ce genre de jeu. Mais je vous écoute, mon cher ami. Ouais, j'ai affiché des cartes. Et en fait, le but, c'est de se rapprocher le plus de 21. Ok. Avec ces cartes-là. D'accord. Donc, chacun a ses propres cartes. Et vous me dites stop. Et c'est celui qui est le plus proche de 21 qui gagne. Et comment je sais que je suis proche de 21? Vous avez vos cartes. Par exemple, vous tombez sur un 4 et un 5. Vous êtes à 5. Un 4 et un 5, ça me fait 5. Oui. Ensuite, par exemple, si vous avez un... Et 4 et 5, ça fait pas 9. Je pensais que ça. À 4, non, je... 4, 4 et 5 fait 9, les figures valent 10. Que 4 et 5 ça faisait 9. L'as fait 1. L'as fait 1, voilà, c'était pour ça. C'était en fait. Donc, tu fais 5, et tu as Blackjack, si tu fais 21, quoi qu'il en soit, tu gagnes la mise. Voilà. Est-ce qu'on considère que Capitaine Barrington était là et qu'il a expliqué lui aussi? On va dire que je me suis arrêté. Non, mais c'est mon trajet. D'accord. Merci, monsieur Barrington. Et il n'y a pas de quoi. Je crois que votre ami est un peu fatigué. Il a peut-être un peu trop bu. Allez savoir. Je ne sais pas. Donc, peut-être. Les cartes standards sont de la valeur qu'elles ont et les têtes sont 10. L'as fait 1. L'as fait 1. D'accord. Allons-y, jouons. Du coup, comment on fait? Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Il n'y a pas des sites web. Ah ouais, mais tu peux pas faire foutre un site web en plein Fantasy Grand. Ah, c'est pas un petit test de jeu. Qui sait qu'il y a un jeu de cartes là sous la main? J'ai pas. Lui c'est... Non, mais un jeu de cartes. Oui. Carte alien. Je joue le OD, hein, tout simplement. Oui, on fait un jeu de chance. Hein, de point. D'accord. Bon, allez, on va faire un jeu. Il y a vraiment un vrai jeu de jeu. Non, ouais, je crois qu'il y a un jet de jeu. Non, mais en vrai, un jet de jeu, et puis selon la différence entre les réussites, tu expliques qui a plus ou moins dominé. Je pense qu'il y a moyen. Bah, en vrai, un jet de chance, ça suffit pour ce genre de truc, hein, mais bon. Mm. Allez, oui. on va à celui qui tire les meilleurs jets de chance. Et voilà. Moi, j'en tire un, et toi, t'en tires un, et voilà. D'accord. Allez, je tire mon jet de chance. 51. Alors ouais, le problème c'est que moi j'ai pas forcément attends, est-ce que lui il a de la chance, il faudrait que je retrouve. C'est par rapport au pouvoir. Ouais, c'est mais par rapport au pouvoir. Je crois, hein. Ah non, pardon, j'ai des conneries, pas du tout. Non, c'est non, pour la santé mentale. La fiche de Razimovski. Lui c'est... Je sais pas s'il a une... Il a pas un truc de chance, lui. Donc, on va dire que... Il a 50%. Il a 50, voilà. On va faire un truc de 50. Donc, hop. Ah, bah, on a vu. 34. Oui, c'était fait exprès. Je l'ai pas caché. Donc, tu vois que sur les premières cartes que vous faites... Oh, j'ai de la chance. Je crois que je suis en meilleure position. Ah, mais ça joue pas comme une seule manche, compte. À combien de manches il y a? Ah, ça dépend, c'est à combien de manches on veut jouer. Plus souvent, on parie de l'argent, mais bon... Ah, vous voulez parler de l'argent? Non, moi, sinon j'ai vite ça très court, hein, comparé à vous. Non, mais ce n'est pas un problème. Non. Dites-moi combien vous voulez mettre et je mets la même chose. Je sais plus quoi j'ai fait sur moi. J'ai rien en plus, je clopinette vraiment. Okay. Genre, je crois que j'ai 5 de crédit donc je peux rien mettre. D'accord. Peut-être pour nous trouver un autre but. Peut-être. Comment dire? Il n'y a pas d'argent, mais celui qui gagne peut demander quelque chose à l'autre. Ah oui, on peut faire ça, un service que l'autre pourra demander à l'autre. Parfait. Bon. Nous allons faire, alors vous ne me dites pas, mais je pense 5 manches. 5 manches. Le meilleur des 5 manches. D'accord. Et 7 manches là compte. 7 manches là compte. Donc, une pour moi. Ok. Là, vous battez les cartes, tu mets les cartes sur la table. Ah. Vous êtes très très bon, mon ami. Oh, vous avez beaucoup de chance. Je pense pour la deuxième. J'ai vu quand vous avez joué avec Professeur Worth aux échecs. Aux échecs, oui. Il n'était pas mauvais. Oh, il manque encore un peu d'expérience, mais il n'est pas mauvais. Ouais, c'est à force de passer son nez dans les bouquins. Voilà. Donc, une manche partout. Tu refais les cartes. Tu remets sur la table. Ah, je crois que je tiens une bonne chance, moi aussi. Il a fait 21 là. Je crois que j'ai fait blackjack, comme vous dites. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, vous êtes doué à tous les jeux. Ah, mais comme vous dites, hein, heureux au jeu. Heureux je en dirai amour. Pas la suite. Bon, 2 manches à 1. C'est pas heureux, hein, heureux au jeu, cocu au pieu. Pardon, monsieur, vous dites? Ah, jeu de mots de boudin. Ah, un truc de ne connais pas très bien l'humour britannique. C'est les Français, c'est l'humour français. Français, d'accord. Français. Alors, continuons. Donc tu remets les cartes, pareil, trac. Aïe. Ah, je... Ah, vous avez dépassé là. Ah, j'ai dépassé 28, ouais. C'est pas grave. Ah, mais vous saviez pas qu'il allait avoir une tête, c'est pour ça. Eh oui. La prochaine sera la dernière. Celui qui gagne remporte la partie. Tu mets les cartes, tu as quand même un peu. Tu as appris par le jeu, tu veux gagner. Tu vois, t'es chier. Tu vois. Ouais. Tiens, si je peux gagner contre un comte russe, quoi, putain, tu vois. Et raconter ça ensuite en revenant. Voilà. Les cartes s'enchaînent. Tu poses sa carte et la tienne, les dernières. Oh non. Ah ben. Ah. Je pense que nous allons devoir faire une autre. Je pense aussi. Bon, allons-y. Vous êtes un très bon quand même, hein. Très bon. Ah, je suis joueur, vous savez. J'aime ça le jeu, c'est un peu mon vice. Ceci dit, votre partie m'intéresse. Moi, j'ai hâte de savoir qui va remporter la mise. Combien vous pariez à chacun ? Combien vous avez mis ? C'est une demande. Monsieur Banks n'a pas beaucoup de. Vous l'avez détroussé déjà ? Non. Ah. Je me porte garant. Allez, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous avez gagné, mon ami. Eh oui, je ne peux pas gagner. J'ai peur de ne pas réussir. Écoutez, demandez-moi ce que vous voulez. J'essaierai de faire au mieux. Ah, il faut que je réfléchisse un peu parce que c'est quelque chose. Avoir les gratitudes, les faveurs d'un comte, c'est pas tous les jours que ça peut m'arriver. Ah, écoutez, c'est le jeu, j'ai perdu. Il faut que j'y réfléchisse et je vous demanderai ça le lendemain, au pire. Il n'y a pas de problème. Ouais. Sachez que nous allons quand même à Constantinople à 11h quelque chose. Ne tardez pas trop. Une fois que je serai parti. Pardon. Voilà, bon du coup, il part sans rancune, hein. Tu as gagné, tu as réussi à faire ton truc. Et le soir, ça s'enchaîne, vous voyez que le temps que vous fassiez tout ça, il y a eu le petit Dijon, il se fait à peu près 23h, la nuit est tombée, vous voyez que vos amis sont toujours enfermés depuis 11h du matin. Ils ont fait 12h. Enfin, 12h, enfin, je sais plus exactement là, où l'on est, mais voilà, ils ont fait la passe quoi. 11h, 23h. Si, c'est ça, 12h, oui. Et vous les avez pas vus de la journée. Qu'est-ce que vous faites ? Bon, on retourne les voir. Allez, ton micro, Barrington. Pardon. Je les vois forcément, moi, parce qu'ils sont dans ma cabine, ces deux-là. Oui, mais tu, pour l'instant, tu m'as jamais dit que t'étais allé dans leur cabine pour les voir. Jusqu'à présent. Ah oui, oui, oui. Comme si tu les avais pas vus. J'allais aller faire mon café et couper du sauce. Vous me donnez faim, allez, c'est l'heure de manger. L'autre, il mange devant la caméra. J'ai la dalle au bout d'un moment, quoi. Qu'est-ce que c'est ma cabine, casse-toi. Vous arrivez dans. Il arrive un temps où c'est l'heure de dormir, de se reposer, de se soulager les genoux, quoi. Bah, du coup, il vous dit ça, Barrington, tu leur dis, hein. Qui veut du boulin? Ça peut paraître. Il peut avoir beaucoup de on-dit si jamais on reste tous dans la même cabine deux soirs de suite. Le premier soir passe parce qu'il y a eu le coup de feu. Le deuxième soir là. Donc là, est-ce que vous êtes tous dans la cabine avec les deux autres ? Ouais, du coup. Donc, Worth, tu es avec tout le monde et tu vois que Barrington il fait un peu la tronche quand même. La tronche, les joues rouges d'alcool un peu aussi. Non mais attendez, moi il faut que je vous raconte un truc là. C'est super. Je suis arrivé là, j'ai réussi à faire jouer le compte au Black. Et mieux encore, chapeau. J'ai gagné j'ai gagné la partie de Blackjack. Et on avait parié une faveur. Donc le comte me doit une faveur. Tu m'envoies ravi. Et je dis ça d'un air un peu désintéressé. Mais de quelle faveur, et de quelle faveur il s'agit, là, parce que... Bah, justement, je sais pas quoi lui demander, moi. J'ai pas envie de demander trop, j'ai pas envie de demander... Tu t'attends une baraque ? Une baraque ? C'est vrai que ce serait pas mal, une baraque. Mais, c'est beaucoup, une baraque sur un blackjack. Le gars, il a pas voulu parler de l'argent, mais je vais te prendre une baraque, quand même. C'est ça. Non, mais je sais pas. Non, mais c'est une faveur. Une faveur, c'est un service, hein, tu vois. Oui, et un jour, si un jour j'ai dans le besoin, un jour, tu l'appelleras, tu envoies un. Tu lui envoies un télégramme. Non, mais je pense que je vais lui demander si jamais il peut me trouver un travail tranquille, bien payé. Mais en Russie ? C'est un russe, c'est ça ? Bah, c'est un russe, mais il doit avoir des contacts aussi à Londres, j'imagine. Oui, ça serait bizarre qu'il n'ait pas, qu'il ait pas de contact à Londres alors qu'il part de Londres. Il est toujours de bonne aloi, vois-tu, de s'entourer de bonnes personnes. Voilà, et puis après, moi je pourrais le renseigner un peu sur lui. T'es pas obligé de tirer la manche parce que, sachant qu'il te doit quelque chose. Non, mais moi j'ai t'auras l'occasion de le faire plus tard. T'auras l'occasion de le faire plus tard. Pour travailler pour lui sur Londres, s'il a besoin de quelqu'un sur Londres. Il se passe un truc avec Maxime là, non? Je suis flou de toi. Non, mais je pense que Maxime, en fait... Parce qu'il n'a pas fini de manger, c'est pour ça. Dites-vous que, tout simplement, il est complètement exténué, quand même. Il est exténué. Il nous fait la promo de son truc. Alors, oui, il a un souci. Ah, mais il fait la mise au point. Le souci de tout de suite, tu vas se botter. Non, mais là, il fait la promo de son futur. De sa conquête actuelle, de sa future session de jeu. C'est joli, c'est quoi? C'est un œuf de dragon. Il essaye de faire le focus. Il essaye de faire le focus de sa cam. Ah, ça y est, on l'a récupéré. C'est bon, merci Alien. C'est sur ça maintenant. La tête qu'il vient de faire, c'est un arrêt sur image, tu mets un titre à la YouTube, un titre YouTube à la compte. Ça fait pareil. Avec un gros détourage bien dégueulasse. Donc je te dis, Georges. Pardon, excusez-moi, Georges. Ce n'est pas que votre conversation nous désintéresse, mais nous avons besoin de nous concentrer avec Monsieur Polat, avec le professeur Polat, sur ce livre d'une extrême urgence. Mm-hmm. Ah, vous avez appris des trucs par rapport à ça ? Ça, c'est un lourd travail de déchiffrage. Sachez que cette langue n'a pas été prononcée depuis... Ouf. Peut-être 1000 ans, voire plus. Donc, je peux vous assurer que... Écoulé. Ouh là là, si seulement. Mais heureusement, la partie en perse est beaucoup plus simple pour le moment, en tout cas pour nous deux. Et qu'est-ce que vous avez appris jusque-là ? Disons que c'est un mode d'emploi, oui, un mode d'emploi de l'utilisation des fezes. Ah. Ça ne nous apprend pas plus, mais au moins on sait que... Vous avez le bon bouquin, le bon livre. C'est ça. Et au final... De quoi ? Pas Gassard. Non, mais t'inquiète, c'est Maxime. Non, mais Maxime... Ouais, c'est normal. Ouais, que je voulais dire, vous avez rien appris sur le que nous possédons ? Alors... vous avez commencé à déchiffrer quelques parties, notamment certaines qui parlent de contrôle, notamment une sur une partie qui s'appellerait un paragraphe qui s'appellerait contrôler les damnés. Donc ce que vous avez fait, s'il n'est pas contrôlé, le fez détruira son porteur. Une fois que cela arrive, la chose qui est devenue le porteur du fez peut être contrôlée par d'autres porteurs, plus puissants. Ce ne sont que des esclaves sans cervelle qui se plient à tous les désirs de leur maître. C'est le machin là qui surveille là. Ouais. Je savais que Minecraft, il était différent des autres. Je le savais. Minecraft, ça fait un joli jeu. C'est normal, c'est le chef. Bizarre que le film soit pas différent. Mais moi, ça m'étonne pas. Hein. Moi, j'ai vu l'autre là, il parle pas. Hein. Vous avez trouvé autre chose aussi. Vous avez trouvé un paragraphe qui a pour titre la création de nouveaux Fez. Oh bordel. Une fois que vous aurez maîtrisé le Fez, vous pourrez en créer d'autres qui auront des pouvoirs similaires au premier. Cela nécessite que le porteur sacrifie une petite partie d'une âme, la sienne ou celle d'un autre. De cette manière, chaque jour, un nouveau Fez peut être créé sans aucune limite. Pour chaque nouveau porteur, le maître bénéficie de pouvoirs plus importants encore. Donc plus il y aura de Fez, plus il sera puissant. Attendez, mais plus moi, son comprends... âme est vendue à moitié. C'est l'idée. Non, c'est pas son âme, c'est l'âme des autres qui peut vendre. Il va vendre l'âme des autres. Il faudra mais, pouvoir il créer. Plus le sang de vierge, là, il faudra un petit bout d'âme, quoi. Soit la sienne, soit celle, la dame, l'âme d'une autre personne. L'âme damnée. Mais c'est de la sorcellerie, ce machin, là. Bah, totalement. Après, on s'en doutait un peu de ce qu'on avait, mais pas à ce point, quoi. Je ne pense pas que c'est très catholique, je te l'avoue. Je ne pense pas que ce soit très... très islam. Et vous avez un dernier paragraphe que vous avez réussi à déchiffrer, mais il en reste. Vous n'êtes pas arrivé au bout de votre lecture. De la manière de devenir le véritable maître du Fez. Vous ne devez pas vous abandonner au Fez rouge sans tant qu'il ne vous aura pas récompensé. Ce n'est qu'en portant le Fez, qu'en risquant que votre volonté soit faible, que vous soyez indigne de cette tâche et consumé par les Fez, que vous pourrez émerger de l'épreuve triomphant et apte à canaliser ces pouvoirs terribles et grandioses à la fois. En gros, pour c'est très pouvoir très bizarre, tout ça. Devenir le véritable, il faut prendre le risque de s'abandonner au Fez, de pouvoir peut-être même devenir fou ou devenir contrôlé par le Fez, que vous pourrez avoir peut-être, si vous êtes assez fort, la possibilité de le contrôler. Voilà. Moi, ça me fait peur, ça, quand même. Je comprends pourquoi Smith il a mis autant d'argent en jeu, là. Oui, mais de toute façon, ça dépasse bien tout ce que notre imagination pouvait... Mais notre objectif c'est désacraliser le truc, le envoûter, comment on appelle ça ? À le détruire. L'exorciser, oui, le détruire, l'exorciser, le détruire, ouais. Et pourquoi voilà, le détruire ? En 11 heures, vous avez réussi à traduire. Mais il reste encore des choses à trouver. Pendant que vous êtes tous les quatre dans la cabine, qu'est-ce que vous faites ? Là, les professeurs vous ont énuméré ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils en sont, où ils en sont dans leur recherche. Mais vous savez que eux vont continuer à faire. Mais qu'est-ce que vous faites vous deux? Je crois, mon cher Georges, que nous devrions les laisser continuer à étudier. Et c'est la partie romantique du voyage. J'entends la musique qui part dans les contes de fleurettes. C'est la musique est comme ça. Mais attends, voilà. Non, mais... ça tape fort, quoi. Non, c'est bien. Hein. Ouais, non, mais je dis pas qu'elle est voilà, elle est mauvaise, mais désolé. Ça tape fort, quoi. C'est, voilà. C'est fort. Elle est forte ta musique. Non, mais c'est à nous de régler le son. J'avais baissé moi le son justement de Watch Together et ouais, et c'est monté. Mais après, je veux juste savoir un truc. Pourquoi? C'est peut-être les aigus, mais je sais pas. Il est tellement puissant qu'il faut pas qu'il tombe dans les mains de n'importe qui. Et si on veut, ce qu'on peut faire, pourquoi elle peut passer, je sais pas, à la couronne? Le passé, pardon? À la couronne. À la couronne? À la reine? Oui. Au roi. Là, c'est roi. Angleterre porte un Fez. combien de Jack Daniels t'as bu? Non mais attendez, moi je vois ça, moi je vois les gens qui essaient de l'avoir, moi je préfère que ça soit l'Empire anglais qu'il est que des gens mal intentionnés. Attends, tu as compris que la grosse partie du pouvoir du fait, c'est de contrôler des gens qui n'ont plus d'âme. C'est-à-dire en quelque sorte un royaume de damnés. Non merci, je préfère c'est pas une figure dans un de pays... style ça. Non, je préfère vivre dans un pays où encore... il y a des gens qui sont capables du pire comme du meilleur. Surtout l'Angleterre, où c'est justement dans le pire qu'ils sont le meilleur. Mais chacun sa route, chacun son chemin. Super l'Angleterre. C'est super beau. Non, mais je voulais dire, George Baines, que non, il ne faut pas que ce fez tombe entre les mains de quelqu'un qui s'en servirait pour son utilité de par son pouvoir, quoi. Il faut le détruire. D'accord. Ben, je vais vous faire confiance, parce que là... Moi j'ai mal compris votre truc. Tu te souviens des spectres? Il faut s'en séparer, enfin genre, on peut pas laisser c'est ça. Tu enfin, des spectres bien, c'est... Mais les spectres, c'était pas vrai, les spectres. C'était un mauvais rêve, on a fait un mauvais rêve, puis voilà, les spectres. Pas possible. Honnêtement, mon cher, avec tout ce qu'on a vu sur... Depuis qu'on est confronté à ce fez rouge, je pense que... Il faut admettre... bien des choses. Oui. Ce qui me reste en travers de la gorge, c'est de savoir qu'ils peuvent se multiplier. Mais je pense qu'on a l'unique, le véritable fez rouge. Je sais pas si on a un véritable parce que. Bon, après, vous avez... après comme vous l'avez lu, tous les fez ont le même pouvoir. Ils sont identiques, donc après. C'est par rapport au possesseur, ok. C'est quel que soit le fez, ils auront tous la même capacité d'eux. Ce qui fait la différence, c'est le pouvoir du porteur, du maître du fez. Voilà. Et comme il est dit, plus il y a de fez, et plus le porteur du fez a de pouvoir. Mais c'est bien dit aussi que le pouvoir peut te consommer avant même que le fez te contrôle, avant que toi tu arrives c'est à te contrôler. C'est ça. En tout cas, visiblement, c'est un risque que prend Minecraft actuellement. Bah, disons que là, le risque, lui, il l'a pris. Maintenant, il a réussi, puisque a priori, il a réussi à passer le test et maintenant, il le contrôle. Il a peut-être utilisé ses sbires aussi pour voir, pour faire les tests. Cher intellectuel, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire maintenant? Est-ce qu'on doit se débarrasser de... peut-être se débarrasser de Minecraft dans le train ou attendre qu'on soit arrivé à Constantinople pour le pister? Ça m'a l'air compliqué de se débarrasser de Minecraft dans le train. On est quand même dans un espace très clos où il n'y a pas beaucoup de choses. On peut faire le reste du chemin. On n'est pas très loin, on peut faire le reste du chemin en diligence. Oui, mais c'est surtout qu'en fait, Minecraft, on va le perdre ensuite à Constantinople. Après, je vous fais juste une parenthèse. Votre mission, c'est pas de flinguer Minecraft. Je dis ça. C'est de détruire le fez. Oui, c'est ça. Je dis ça parce que plus il se multiplie, plus nous on aura de danger, plus ça sera grave. Oui, mais après, si c'est pas Minecraft, ce sera un autre, hein, visiblement. Votre objectif, c'est de tout ramener à Demir, parce que lui sait, et lui est capable de traduire la partie sumérienne du murmure du fez. On a reçu des nouvelles de Demir par le train, vous avez tout reçu ce que vous deviez envoyer. Maintenant, vous savez que Demir vous attend à Constantinople, à la gare, en fait. Et il va vous au musée, je crois, non? Non, lui, il va probablement vous envoyer des gens pour vous réceptionner à la gare de Constantinople, parce que vous savez pas du tout où vraiment il faut y aller. Je me demandais si vous aviez lu un truc par rapport au fait que peut-être les possesseurs du fez, ils peuvent sentir les autres fez. Ça sent les fez des uns des autres. Est-ce que vous avez lu ça? Je ne crois pas. Parce que cacher dans le même endroit le livre sur le fez et le fez, c'est peut-être une mauvaise idée. Moi, je préfère qu'on nous pique le fez qu'on nous... que plutôt qu'on nous pique le livre sur le fez. Ah non, non, non, non, non, non. Ah ben, le livre, il vaut beaucoup. Ni l'un ni l'autre, c'est très bien. Le livre nous permettra de comprendre tout sur le fez. Et le fez, au pire, on le récupérera sur le crâne d'un autre gars. Le livre, il n'y en a qu'un seul. Le fez, il y en a plein. Je comprends la logique de notre ami. C'est vrai que, vu que finalement, il n'y a pas de fez unique, mais uniquement des créations de ce genre, effectivement, le fez, en notre possession, n'est finalement pas plus important qu'un autre. C'est pas une création algérienne, ça, le fez ? C'est une excellente question. Trop bien, hein. Et... Trop bien, si, hein. Encore eux. Mais... Non, parce que si c'est une création turque, arrivée en Turquie, on risque d'en croiser pas mal. C'est pas le même. Mais à Constantinople, tu vas en voir beaucoup du fez. Mais ça va pas être le même. Ce sera pas forcément pas des fez rouges, il y a plein de fez de couleurs différentes. Il y a des fez bleus. Voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, vous discutez pendant un certain temps. On va dire qu'il se passe une heure. Moi, je propose juste un truc. On cache les deux objets dans des endroits différents. Là, pour l'instant, il le cache pas parce qu'il l'utilise. Donc, ils l'ont devant eux. Ou sinon, on le garde toujours sur nous. Puis, Le livre, on le garde toujours sur nous. Et il nous reste qu'une dizaine d'heures avant d'arriver. On va dormir. Il y aura juste la matinée à passer. Honnêtement, je on pense que... Parce que qu'on laisse sa surveillance. Est-ce que le train est équipé d'un émetteur télégramme? Non, c'est dans les gares. Maintenant, c'est dans les gares. Là, jusqu'à ce que. Maintenant, là, le prochain arrêt. C'est Constantinople. Okay, là, okay. Le prochain arrêt, c'est Constantinople. Donc, vous êtes arrivé. On aurait dû le faire avant, mais envoyer un télégramme avant d'en arriver, quoi, histoire de prévenir. Ouais, mais ils savent le train va arriver à telle heure, tel jour. Envoyer un télégramme, ça peut être récepté, ça peut être récupéré, ça peut être. Nos ennemis peuvent l'avoir en même temps que nos alliés, quoi. Donc, donner aucune nouvelle, c'est bonne nouvelle. Exactement. Ouais. En tout cas, vous avez bossé pendant... Enfin, vous avez parlé, pardon, pendant une bonne heure. Il est minuit, maintenant. Ah putain, il sera niqué notre temps de sommeil. Là. Voilà. Il faut pas nourrir les grémines. C'est surtout que pendant ce temps-là, pendant que vous avez discuté, ben les deux professeurs n'ont pas pu vraiment bosser sur le texte parce que ben ils étaient en train de vous expliquer tout ce qu'ils ont trouvé. Voilà. Plus les théories. Vous avez gêné. Je vais patienter dans la théorie des uns et des autres. Et voilà. Donc il vous demande gentiment de les laisser tranquilles et de travailler pour qu'ils essayent de terminer, de déchiffrer leur machin, et ils vous foutent un peu à la porte. Donc, qu'est-ce que vous faites, mes chers amis? Moi, je pense qu'on va faire un truc simple, c'est juste... Il y a une table dans la cabine. Non, mais là, à 4 dedans, on va les laisser tranquilles, trop serré, ok. Bah, en même temps, ça va sentir les pieds des uns des autres. On va une cabine pour 4, donc. Ok. Bah, on fait que peut-être un ou deux avec le capitaine font un tour de garde, en fait. Enfin, un tour de garde pour être en soutien. Alors, si jamais il se passe quelque chose. Vous avez votre cabine qui est collée. À leur cabine. Et puis même pour garder quoi, tu vas pas rester devant le couloir, on va être suspect. Justement, votre cabine est collée à la cabine. Oui. On s'en fout d'être suspect, on sait qui c'est. Oui. On sait que Mehmet il sait pour qu'on a le machin, qu'on a l'écrit. Ouais. Donc s'il veut le récupérer, ça va être maintenant. Oui, mais au pire t'es à côté. Enfin, genre s'il se passe un truc, il va faire un petit peu de bruit, tu vas l'entendre quoi. D'accord, très bien. Mais c'est pas moi qui risque ma vie après. Okay. La musique, elle tape pas mal dans les aigus. Il y a des moments. Hein. Oui. De toute façon, vous inquiétez pas, elle va pas tarder à changer. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, si tu veux faire ton tour de garde, il y a ta cabine à côté. Tu rentres, tu sors toutes les deux minutes, tu regardes qui vient et voilà. Non, mais le tour de garde, c'est justement faire... qu'on puisse interchanger. Je vais faire un tour au fumoir. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Donc, toi, tu fais quoi, Barrington? Qui, moi? Oui. Moi? Oui. Capitaine Barrington, tu fais quoi? Ah oui, non, mais j'avais les images figées, j'avais plus de son. Je vais au fumoir, voilà. Ok, tu t'éloignes de la cabine des gens. Au wagon bar, là. Et toi, tu feras quoi, George Banks? Moi, je vais dans mon lit et je vais dormir. Ok. Avec mon couteau sous le coussin, prêt à prendre. Et je dors tout habillé. Bah... Ah, moi, je pense que c'est une pire idée, mais... Quoi? De dormir? Ton couteau sous le coussin. Il est donc... Ouais, bon. Au moment où vous sortez de la cabine, quand vous vous apprêtez à sortir de la cabine, il est minuit. La nuit est bien noire, excepté la lune, toujours la même à celle d'hier. Qui sort en premier? Capitaine Barrington, tu sors de... Tu ouvres la porte. Et tu vas, comme tu as dit, te diriger vers le fumoir. Tu vas me faire un jet de toc. S'il te plaît. Bim! Nul! Il a défoncé. Tu te diriges... Non, je crois que je vais dépenser les meilleurs. Ouais, je vais dépenser 14. Hein? Okay. Je vais dépenser 14. D'accord. Ce qui fait qu'il me reste 31. Ok, donc... quand tu sors... Tu remarques que la lune est dans ton dos et que elle vient projeter au sol devant toi une ombre. Une ombre qui te rappelle quelque chose. Puisque c'est la même ombre que la dernière fois. Une ombre qui n'est pas ton ombre et qui... Je presse le pas vers le fumoir. D'accord. Bah tu y vas en courant, quoi, quasiment. Je presse le pas, je marche vite, ouais. D'accord. Donc tu vas en courant. Et effectivement, quand tu passes la porte du wagon, tu voyais l'ombre qui se rapprochait petit à petit, mais au moment où tu passes la porte... la lumière est au niveau du fumoir et du salon. L'ombre disparaît. George Banks, tu sors de... Tu sors de la pièce, évidemment. Tu vas faire un jet de toc. Ah non. Ouf. Oh, mince, je vois rien, je vais directement dans la cabine, moi, hein, c'est bon. Voilà, tu te diriges, la lune éclaire le couloir, donc tu te diriges vers ta porte et tu rentres. Petite chance. Bon, ben bonne nuit, hein. Il se passe une heure. Pas de problème à ce niveau-là. Vous êtes tous en train de vaquer à vos occupations, les professeurs sont toujours dans leur lecture concentrée. George Banks, lui, est en train de regarder ses cartes de poker en essayant de réfléchir à qu'est-ce qu'il va pouvoir bien demander au comte Razubowski comme service et s'imaginer les trucs les plus fous pour essayer de faire baver les copains une fois de retour à Londres. Et de ton côté, capitaine Barrington, tu bois un verre, toujours en train de fumer ton cigare. Je fais baisser la tension, je bois un verre léger, je prends pas un truc à double triple dose. Hein. Mais tu penses, tu as quand même dans un coin de ta tête l'image de cette ombre, tu t'es dit merde, c'est vrai qu'il y a toujours celle-là. Hein. Et si je veux retourner les voir, il va sûrement y refaire face. Et bref. Voilà. Mais t'essaies de changer les idées quand même. Un petit peu. Un petit peu, mais pas trop, parce que quand même. je verrai si je peux pas choper un chandelier en retour pour le jeu. Je vais vous demander, Capitaine Barrington et George Banks, de couper vos casques. Ah, s'il vous plaît. Okay. Couper le casque. Ah oui, l'enlever. Ou... Pas entendre, quoi. Ne plus entendre, quoi, c'est ça. Tu je coupe le cap de mon casque. Comme ça, tac. Ok. Voilà. Nous moi, voici. Je suis au sixième café, là, avec mon perso. Vous êtes à fond dans vos trucs. Ça fulmine, ça fuse. On fume. Alors que vous êtes en train d'essayer de... Voilà, de converser sur ah ouais mais ce mot là je pense que c'est plus littéralement ça correspond plus à ça, donc si par le croisement de trucs et bidules on serait plus dans ce cas de figure. Vous arrivez quand même au bout d'un certain temps à trouver un autre passage de ce livre qui est que ceux qui défient le maître. Méfiez-vous, ceux qui portent un fez pourraient bien vouloir prendre votre place de contrôleur. Écoutez mes conseils et gardez toujours à vos côtés un petit groupe d'acolytes portant des fez que vous pourriez sacrifier si vous étiez défié. Pardon, répète la fin de la phrase. C'est donc, un petit conseil. Écoutez mes conseils et gardez toujours à vos côtés un petit groupe d'acolytes portant des fez que vous pourrez sacrifier si vous êtes défié. Donc là, vous comprenez que il est possible de défier le porteur du fez. Mais vous savez pas comment exactement. Vous n'avez pas encore. Mais vous savez qu'il est possible de le faire. Indirectement. On va attendre que Maxime revienne. Voilà, Maxime est là. Ah non. Il allait chercher sa bouffe, non? Non. Bon, bah moi, je transpire un peu là sur les informations. Et on y passe encore la nuit, hein, toujours. On est sur le café H24. Donc, vous venez de décrypter ça. Mmh. Et puis, à un moment, vous entendez un pouf sur la porte. Comme si quelqu'un vient de frapper littéralement sur la porte de votre cabine. Tu penses qu'ils viennent encore nous demander si on a faim? Non, pas à ce temps-là, mon cher. Je vais prendre le sable, du coup. Une deuxième fois. Je me saisis du sabre et je tremble un peu comme ça. Je suis fatigué. Vous voyez la porte qui bouge un peu, tu vois, genre comme si elle est presque dégondée dans... tellement ça tape fort, quoi. Monsieur Barrington n'a pas laissé son arme cachée ici par hasard? Dans le tiroir à côté, il y a un fusil. Ouais. Là où il y a le fez. Bah du coup, je prends le fusil. On est d'accord sur une chose déjà, c'est qu'on n'ouvre pas. ça va. Mais du coup, ouais, moi, je vais m'intercaler sur un lit le plus loin possible de la fenêtre et je tiens en joue, quoi. Parce que, en plus, je suis pas très spécialisé dans les armes à feu, pour ne pas dire que c'est la première fois que j'en tiens une. Donc, du coup, en fait, je profite du fait que ça toque pour vraiment être éloigné et prendre mon temps de viser pour que j'ai juste à appuyer sur la gâchette en cas de problème. Le tout en faisant le minimum de bruit possible. Hein. Sur la feuille de mon perso, je sais même pas enclencher un chien sur une gâchette. Hein, donc laisse tomber. j'ai même pas zéro. Du coup, j'ai le sabre. La porte commence à se dégonder. Genre un ou deux coups encore et elle tombe. Je vais juste. Qu'elle tombe. Attends, parce que il faut que je demande à... Ah putain. T'es du côté gauche ou du côté droit de... Oui. Alors attends, juste, j'en profite. Gassard, enfin pas Gassard, George Banks, tu es dans ta cabine, tu es en train de réfléchir sur ton truc, Et d'un coup, tu entends quelque chose frapper, cogner sur la porte d'à côté. À plusieurs reprises. Genre quelqu'un qui cogne dans le couloir sur, non, sur, la porte sur, sur leur porte. Tu devines que c'est la porte de tes amis et que quelqu'un est en train de dire pfff. Je me mets contre le mur, j'essaie de leur parler. Vous m'entendez? Les gars, bah, est-ce que je l'entends ça quand même? Non mais là tu limite il faudrait que tu gueules pour qu'ils t'entendent de l'autre côté quoi. Et au pire gueule, ça fera partir la personne hein. Il faut pas vous... Non. Ouais, je crie à l'aide, moi, je crie à l'aide. À l'aide, à l'aide, au secours, à l'assassin. Bah, vous deux, vous entendez quelqu'un crier à l'aide, à l'assassin. Et évidemment, vous ne savez pas ce qui se passe du côté de George Banks. Alors moi, je me dis tout de suite, merde, il est en danger. Tu sais, il nous attaquait les deux en même temps. Ah bah du coup, là, je l'interprète comme ça, c'est-à-dire que George Banks est tout seul. Oui. Faut qu'on l'aille aider. Mais ils sont armés, normalement ils ont de quoi se défendre, je crois. Ils ont de quoi se défendre? J'en ai aucune idée, mais... Normalement, les armes sont chez vous, et moi j'ai juste mon couteau. Ouais, bah moi j'ai un sabre. Je me lève pour vérifier du coup mon hypothèse de savoir est-ce que Monsieur Barrington a toujours son arme sur lui ou est-ce qu'il l'a laissé caché en haut, là. Tu sais, dans la petite trappe, là, l'endroit où il cache tout. Il y a deux armes, normalement. Oui, bah moi j'ai déjà le fusil. Ah. En main. Et du coup, je veux voir, là, s'il y a son pistolet. Le pistolet, normalement, il était caché. Je demande. Pas qu'on le retrouve, justement. Pas qu'on trouve l'arme du crime. Voilà, l'OMJ me répond pas. De quoi? L'OMJ me répond pas, je pose des questions, il n'y a pas de réponse. Excuse-moi, je t'ai concentré dans ma musique. Vas-y, excuse-moi. Non, je voulais savoir, est-ce qu'il y a l'arme de Barrington dans notre cabine? Oui, elle est dans votre cabine. Après, j'estime que cherchant un peu en speed comme ça, vous finissez par... Est-ce qu'il y a l'arrêt d'urgence dans les cabines? Non, elles sont dans le couloir. Non, c'est dans les couloirs. Bah, j'allais dans le couloir. Effectivement, vous avez raison, ils ne sont absolument pas armés. La porte commence à serrer, vous voyez qu'elle commence à craquer. Il y a dans le couloir pour appuyer sur l'arme de l'urgence. Il y a deux points qui viennent traverser la porte. Vous voyez que c'est deux points de mecs. Ok. J'ai le sabre. Je franchement, quand je vois le point de sortir de la porte, je suis là. J'essaye de trancher la porte. Le point. Bah donc, moi voilà, je me tire pas. À un moment donné, vous voyez que même un bout commence à s'enlever, et là, vous voyez à travers la porte le visage de l'acolyte avec le fez rouge sang qui n'avait pas d'expression, qui est en mode terreur robotique. Genre, il n'a pas d'expression, mais il défonce les trucs sans. Vous voyez qu'il y a du sang qui coule de ses mains parce qu'il tape tellement fort que. Il ressent pas la douleur, mais il se blesse en voulant défoncer la porte. Et est-ce que la légitime défense est déjà en vigueur? Je veux sortir de ma cabine pour aller appuyer justement sur la borne d'arrêt d'urgence. La borne d'arrêt d'urgence. Oui, je suis en panne. Moi, je dois tirer partir vers la cabine en fait du coup. Monsieur Barrington, normalement tu n'entends pas ce qui se passe. Tu es dans le fumoir. Ah pardon, c'est pour ça que je mimais le truc du casque. Vous voyez tous vous agiter. Excusez-moi, messieurs. Tu es sûr, Barrington? Je ferai un jet d'écouter. Attends, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. En tout cas, il réagit comment au petit coup de notre ami? Ouais, moi je donne des coups d'épée, là s'il dépasse ses mains, je donne un coup d'épée. Ah bah tu vois qu'il y a zéro réaction en fait, il est vraiment en mode... Oui, je veux bien, mais est-ce qu'il a l'air de subir la douleur? Il subit, enfin en fait, bah, fais-moi un jet, corps à corps. Si t'arrives à le blesser, un tant soit peu. Corps à corps, hein. J'avoue, je sais pas. Attends, on va dire ça. Ouais, corps à corps, vas-y. Bah alors, je tape. Non, mais je demande, est-ce que je tape ou c'est pas bon? Mais... Parce que corps à corps, normalement, c'est à point. Normalement, c'est... Bon, mais j'avais rien, moi. 55. Ben là, tu ne réussis pas. En fait, tu essaies de taper comme ça, mais comme lui aussi, il est dans la frénésie, si tu veux. Au moment où tu frappes, tu tapes sur la porte toi aussi, et limite, tu abîmes la porte autant que lui. Ok, ben, du coup, je veux bien intervenir. Ouais. Donc là, la porte, il y a des morceaux qui commencent à tomber. Tu le vois de plus en plus. Ouais. Et je t'entends plus, on t'entend plus. Au mieux de tirer et de faire tout de suite la plus grosse alarme possible qui va refaire arrêter le train, tout ça. Avant d'en arriver là, je veux juste en fait prendre mon fusil de l'autre côté pour en fait donner des gros coups de crosse dans sa figure. Ok, bah tu me fais pareil, un jet de ouais. Encore un corps, un combat rapproché, enfin un truc comme ça, tu vois. Mais moi, je sais ce que j'ai dit, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais. On est vraiment des tanches. Hein. Ah, bah vous êtes des professeurs, vous n'êtes pas des combattants. Hein. Donc, pareil, tu vois. Attends. que tu tapes des coups de crosse dans la porte, mais sans vraiment le toucher. Non, je dépense mes points. 24 oh, points pour le toucher avec ta crosse. 24 points pour Gryffondor. Ça a juste brisé les doigts. Alors, écoute-moi, tu fais ce que tu veux. Alors, un coup de crosse dans le nez, je suis désolé, je suis sûr que ton nez ne survit pas. Hein. Oui, mais il passe pas sa tête dans la truc, il passe ses mains. Mais je sais pas, dans la description, tu dis qu'il détruit tout, et après non, après oui. Est-ce qu'il a tout détruit, oui ou non? Je te dis qu'il frappe avec ses poings sur la porte. Oui, ça oui, il a commencé à détruire le truc. Il commence à casser la porte. Du coup, ça fait une ouverture dans la porte où tu vois sa tête derrière, mais tu vois, il est comme ça en fait, il est pas genre avec sa tête. Donc, du coup, bon, c'est pas grave que j'ai raté, parce que du coup, je voulais attendre qu'il soit complètement là pour mieux le toucher. Donc, du coup, si j'ai raté, tant mieux. Pendant ce temps-là, au même moment, vous avez George Banks qui ouvre la porte. Discrètement. Tu vas me faire un jet de discrétion. Yes. La seule stat où je suis bon, regardez. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un mec qui l'attend devant la porte. Oh oui. Alors, tu ouvres la porte. Effectivement, tu vois en fait au début tu entrouves la porte. Vraiment, t'es là, tu vois que l'autre il est à fond dans son truc et effectivement tu reconnais le gars du couloir avec son fez qui n'avait pas d'expression, qui est en mode furie sur le truc, tu vois. Et tu remarques que juste à côté de lui, mais à l'opposé de lui, en fait, entre toi et cette autre personne, hein, il y a le gars qui défonce la porte. Mais de l'autre côté, il y a le deuxième, celui qui est réfléchi, quoi, celui qui n'a pas de fesses sur la tête. Mmh. Et qui tient une arme, un pistolet dans la main. Ok. Donc, alors, moi, je suis entre le mec aux fesses et... Non. Non, en fait, tu es en gros, tu as le mec aux fesses qui est juste à côté de toi, et à l'opposé, donc de l'autre côté du mec aux fesses, tu as le gars qui tient une arme. Donc en fait, vous êtes entre les deux. Tu as le mec qui a l'arme et toi, vous avez le mec aux fesses juste entre vous. Et c'est lui qui te cache en fait, qui fait que le gars ne te voit pas, et tu arrives à sortir et à te diriger donc dans le couloir sans être vu. Je vais vers le fumoir ou je peux me diriger ou pas? Non, en fait, celui-là, tu vas à l'opposé du fumoir. Ah. Est-ce que je vais vers la cabine du comte? Oui. Ben, je vais à la cabine du comte. Mais je peux faire que ça. Donc, tu vas à la cabine du comte, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais? Je frappe. Je frappe à la porte. Pom-pom. Pas trop fort pour pas que les autres ils m'entendent. Quoique, avec tout frappera qu'il faut. Oui, oui, là, tu peux. Ouais, mais je frappe et je fais Monsieur le comte, c'est moi, George Banks. Et là, tu vois, avant même que le comte ouvre la porte, tu vois à côté de toi le garde du corps qui te regarde avec un regard très sombre. Mais moi, qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que tu fais? Et il voit derrière toi le gars en train de défoncer la porte. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pitié. S'il vous plaît, qu'est-ce on a besoin de toi. Qu'est-ce ici? Non mais j'ai rien fait moi. Moi je viens juste demander de l'aide, s'il vous plaît. Et là les gens commencent à ouvrir les portes, ça commence à gueuler. C'est qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, justement, je viens de demander de l'aide, s'il vous plaît. Là, tu vois le gars qui avait l'autre arme de l'autre côté qui commence à réagir et qui voit qu'il y a des gens. Ils sont dangereux, monsieur, faites attention à vous. Qui commence à pousser son pote et qui essaye de défoncer rapidement la porte. D'un coup, de l'autre côté, alors je vais appeler le capitaine Barrington. Bon, il m'entend pas. Hop, j'ai réussi mon jet en écouté, j'ai fait un succès critique. Barrington, à un moment donné, tu entends des cris qui arrivent. Une femme, une employée du train qui commence à courir, qui vient se cacher. Là, oh, il y a des gens avec des armes! Il y a des gens avec des armes dans le couloir, ça crie! Où ça, madame? Le couloir, mademoiselle. Les wagons! Ils sont en train ils vont se tirer dessus! Je cours l'arme au poing dans la direction du danger. T'as une arme sur toi? Mais toujours. C'est quoi ton arme? Mon revolver, le 45. Ouais. Le Colt 45. D'accord. Bon bah tu commences à courir et effectivement quand tu arrives dans le couloir, tu vois donc un gars avec une arme qui est juste à côté de la porte de votre cabine, avec un autre gars avec un fez qui est en train de marteler la porte. Tu vois qu'il a déjà commencé à défoncer la porte, il y a des trous à l'intérieur tellement il défonce. Et tu vois au fond du couloir George Banks qui est braqué par le garde du corps du Contrus. Il est braqué. Il a un flingue sur sa tête et il lui crie dessus. Il est au fond du couloir et plus proche est celui qui a le fez. Ouais. Le plus proche de toi, c'est un homme qui n'a pas de fez, mais qui est un des deux gars qui t'avait dans le couloir. Qui a une arme sur lui, il n'a pas de fez, mais il est en contact avec le gars qui a le fez. Et il s'apprête à vouloir rentrer et défoncer la porte pour rentrer dans la cabine. Alors, en termes de distance, là, je suis à l'entrée du wagon. Hein, ouais. J'ai juste de passer la porte. On va dire qu'à 5 mètres de toi, tu as 5-6 mètres. Allez, 6 mètres de toi, tu as le premier turc sans fez. D'accord. Et après, il y a celui qui est en train de péter la porte. Juste à côté, à 1 mètre. Juste à côté. Et tout au fond, il y a Mister Spock. Au fond, à 12 mètres, ou même à 15 mètres, tu as George Banks qui est braqué par le garde du corps du comte. Je vise le bas du corps du bonhomme qui n'a pas de fesses, qui est plus proche de moi, celui à 5 mètres. Je vise le bas du corps, je tire. J'enchaîne avec le gars qui a le fez, je lève le... Oui, mais on va pas trop vite, on va voir. Une chose à la fois. Après, je monte le revolver pour viser à peu près la tête du mec qui défonce la porte avec le fez sur la... Voilà. Et bien, c'est plus délicat, le gars qui est au fond, là. je suis devant. Je suis devant lui. Ok, donc une chose à la fois. Donc là, on va dire que tu vas essayer de tirer sur le premier qui est donc... Je cherche à l'immobiliser au sol, pas forcément à le tuer. Donc on va dire que je vais te laisser le truc dans le sens qu'il est concentré sur la porte, il ne t'a pas vu arriver, donc il n'y a pas de raison qu'il tourne la tête pour te voir. Et que donc tu as la première action, en sachant que les autres ont déjà fait des choses, mais bon, t'es pas censé le savoir, donc voilà. Donc tu vas me faire un test d'arme à feu, donc Tu vas à Cowboy. Donc c'est arme de poing. Ok, donc tu t'avances, tu commences à tirer. Mais... Il peut demander une relance, hein. Ah, okay. J'ai le droit à une relance, moi. Alors, si tu demandes la relance, si tu relances. Et que tu te plantes, pas forcément, mais t'as même pas, juste besoin de... Si tu échoues, juste échouer sans avoir de critique, ce sera pire. D'accord. Ce sera pire. comme résultat. Donc c'est à toi de voir. Bah adieu Gassard. Bah, pardon, adieu George Banks. Non mais non. Tout ça parce que je suis pauvre. Oh ben voilà, loupé. Ok, donc tu mets en joue. Tu étais prêt à vouloir tirer et là, une chose te revient à l'esprit. Une chose que tu avais oublié. George Banks est dans la ligne de mire. Non. Une chose que tu avais oublié, que tu n'avais pas. L'ombre est juste derrière toi. Tu sens une chaleur se poser sur l'épaule au moment où tu vas faire le tir et des ongles acérés te planter l'épaule au moment où tu vas faire. Donc tu tires. Mais ça va dans le plafond. Et là, la balle. On va voir où elle va arriver, cette balle. Dans ton pied. La balle touche le garde du corps. Ah du non comte. Il est touché à l'épaule. Le garde du corps qui? Le garde du corps du comte. Qui braquait son arme sur George Banks. Il est touché à l'épaule, tu vois, qui se tient le bras, son arme est toujours dans sa main, mais... T'as la faveur divine de la balle perdue, toi, je te jure. Donc tu t'entends... Ah et boum, le bruit énorme de la déflagration, les gens qui commencent à crier... Comme on dit, hein. Le train qui avance toujours, ça crie. Un iceberg, chef, capitaine. Pour le coup, à ce moment où tu tires, tu as le gars qui n'avait pas de fesses qui se retourne vers toi et qui va te tirer dessus, Barrington. Ouais, ok. J'ai pas le droit à une manœuvre de Ah non, mais là, c'est là, dans l'idée que tu viens de tirer, le coup a été tiré, tu réalises, l'autre il se tourne et il va te tirer dessus instantanément. C'est comme ça que ça va marcher normalement. Tu peux pas faire pouf pouf pouf pouf. Surtout que tu viens de te faire blesser. Surtout que tu viens de subir une blessure de d'ombre que tu n'avais pas pensé qu'elle était là. Du moins tu avais oublié dans le feu de l'action. C'est un nasgueule qui m'a. C'est ça. Parce qu'il avait l'anneau aussi. Hein? C'est parce qu'il avait l'anneau. Il avait l'anneau. C'est ça. L'anneau gastrique. J'ai pas fait caca plière. Ah, alors, c'est que tu peux mourir hein, sur ce coup-là. Qui vivra verra. Mais pas toi alors. Je sais pas si t'as marché avec ton pied gauche dans une bouche là, parce que t'as pas. Je crois que j'ai connu Gassard pas loin. Pas longtemps. Ok, il tire dessus. Étant donné que tu étais bien visible, puisque comme je te dis, la lune se fait face, ouais. Il te touche. Voilà. J'ai deux blessures. Je crois que c'est un délit. La première, on va pas, je vais pas considérer ça comme, c'est plus une griffure qui t'a surpris. Ouais. C'est pas une blessure. Par contre, là, il te touche. Alors. Par contre, tu fais comment pour faire, tu sais, deux dés en même temps ? Je m'en rappelle plus. Alors, c'est en bas à gauche, mais ouais. C'est un truc avec le B, donc c'est le bonus, et le P, c'est le malus. Donc, si tu fais B, il prendra le meilleur. Et toi, ce que tu veux, c'est de prendre le dé et tirer deux fois le même, c'est ça ? Ouais. Tu t'en saisis du dé et tu fais un clic droit dessus. Tu fais bien saisir, tu sais déplacer. Ah tu fais... oui, d'accord, merci. Oh là. Oh bah non. Bah c'est pas mon gars, c'est pas. Ah c'est beaucoup trop, 20 de dégâts, c'est beaucoup. Tu perds 7 points de dégâts. 7 points de vie. 7 points de vie. Et il m'en reste 6. J'ai fait du méta, pardon. Attends, je me rappelle. Ouais, c'est ça, 7 points. Donc en gros, tu prends une balle dans la jambe. Heureusement, je suis bien constitutionné, hein. Oh là là. Tu prends une balle dans la jambe et tu sens que voilà, ça va beaucoup t'handicaper maintenant pour te mouvoir, mais en même temps, tu es dans un train. Là, pour le marathon, c'est loupé. Voilà, donc que faites-vous les autres? Vous avez entendu des coups de feu. Pour vous, les professeurs, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous entendez un coup de feu, deux coups de feu. Ça tire dans tous les sens. Toi, Gassard, tu vois. Enfin, George Banks, tu vois le russe qui te braquait, qui vient de se prendre une balle. Tu sais pas d'où elle vient. Qu'est-ce qui se passe? T'es complètement affolé. Je vous laisse. Je t'entends pas. Ah, je t'entends plus. Y a pas de son. Non, on t'entend pas. Le push to talk. Il va se vénérer. Hein. Sinon, moi, j'attaque au corps à corps. Il a un souci de micro. Hein, il avait écrit tout à l'heure. Mmh. Ouais. La fin de Barrington. Alors. Ah, ça y est, on t'entend. Vas-y. Exprime-toi. Il disait que j'hurlais à Monsieur Worth de se dégager le plus loin possible de la porte. Parce qu'il était rendu des petits coups de katana devant. Et je vais tirer. Parce que c'est bon, il y a eu des coups de feu. Donc, maintenant, tout le monde est au courant qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc, il y a eu des coups de feu, c'est bon. Ok, tu vas tirer sur la porte. Oui. C'est pour ça que ma première réaction est de hurler à Worth de dégager. Parce que s'il reste devant. Je me dégage. Hein. Oui. Va à tout. Le plus loin possible. Tire la balle qui te traverse le corps. Arme de poing, mais alors justement on n'a pas mis d'arme de poing pour toi, c'est con. Ça se fait facilement. Hein. Et oui, c'est seulement vous avez des systèmes qui fonctionnaient. Pardon, excuse-moi. Non mais on va rester sur du 25, on va pas s'emmerder. fais comme si tu faisais un corps à corps. Bah oui, non mais c'est. Ouais, je fais un corps à corps. Ok. Mais non, mais je l'avais dit au tout début de cette session où j'ai de chance, j'ai pas envie de jouer. Ça se voit. Non, mais Fantasy Grand me déteste. Toutes mes autres sessions se passent bien, mais pas Fantasy Grand. Non, non, mais là, tu me tires dans la jambe. Là, tu t'apprêtes à tirer. Non, je tire dans le cœur. Tu t'apprêtes à tirer. Oui. Et malheureusement pour toi. L'arme s'enraye, il n'y a rien qui part. Ah là là. Et ça marche pas. Tu t'appuies une fois, t'appuies deux fois, il n'y a rien qui se passe. Trois fois, quatre fois. Et là, tu baisses l'arme vers le bas en t'acharnant dans ta. Ou le gros orteil. Dans un peu la folie de l'action, tu vois. T'es là. Mais ça marche pas. Sympa. Une balle part. Tu tires dans le pied. Oh, t'as perdu le gros orteil. Mais non. C'est la soirée foutoir. Alors, tu perds. This is the end. Tu perds 3 points de vie. Ça va, c'est cohérent. Et là, tu bah mon pied là. Et là, ça frappe toujours. Toi, professeur Worth, tu vois ton camarade qui vient de se tirer dessus parce qu'il sait pas se servir d'un flingue, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'attaque avec le sabre, mais pas mon ami. Tu vas te couper le pied, fais gaffe. Avec la pointe, t'essaies de viser le centre du trou, là, comme ça, là. Bon, et au bout d'un moment, tu vois, je prends le sabre. Ah oui, mais non, c'est un sabre genre d'abordage. Bon, bah, je lui donne un coup en estoc comme un gros tas. C'est un sabre militaire, mais un sabre d'abordage. Alors, je vais te donner un bonus parce que, bon, en même temps, t'as un trou comme ça, tu mets dans le trou, le gars, il est en mode furax sans ouais, truc. Il bouge pas trop. Donc, je vais te donner, je vais te dire sur du 50%. Sur du 50%. 50%? Ouais. 50-50. Au lieu de 25. Comment je Allez, fais... souffle sur les dés. Très bien. Je vais mettre 50 en combat rapproché, comme ça c'est fait. Non, je peux pas le modifier, bon bah... Je sais pas non, du tout comment ça se passait. Mais non, tu lances un dé 100, et si ça avait 50, basta. Non. Est-ce que tu continues? Est-ce que t'insistes? Oui. Bah non, je suis vraiment nul. Hein. Mais si, insiste. Mais ok, non, mais. Là, tous nuls. Tu te rappelles, toi, tu t'es pris un coup. Tu vas essayer pour taper dedans, mais en fait, t'arrives jamais à toucher le trou. C'est la soirée maudite, vas-y, insiste. Tu tapes sur les bords, en fait, t'es limite, t'es en train de te protéger et en même temps en train de faire ça, du coup tu regardes même pas où tu vises quoi. Là, toi. Arrête, c'est moi. Allez, George Max, qu'est-ce que tu fais de ton côté, George Max? Tu vois que ça gueule en tous les sens. C'est... La grosse brute qui est devant moi, là, qui s'est pris une balle dans l'épaule, elle fait quoi? Bah là, elle est là. Bon, parce que, je prends mon couteau. Tout se passe en même temps, hein, donc... Bah, j'ai mon couteau en main. Je lui fais... On est les gentils, faites gaffe à eux, protégez le compte. Et là, je vais à la mêlée et okay. Je vais essayer de poignarder le gars avec l'arme. On va essayer de voir si tu as de la persuasion. Tu vas faire un jet de persuasion, je pense. C'est sur ça qu'on va rester. Il y a persuasion ? Il y a persuadé. Alors attends, je vais voir. Psychologie. Je vais voir. Non, pas psychologie. C'est 10. Ça va être 10. Pas beaucoup de 10. baratin, au pire. Tu peux raconter un gros baratin. Ah oui. Voilà. Ouais, bah, sauf que là c'est vrai, mais bon, oui, j'ai baratiné. Non, allez, vas-y, baratine. Oui. Oui. Bon, vas-y, fais ton monologue. Oui. Je veux t'entendre. Pour savoir ce que tu vas lui dire. Des hommes mal intentionnés qui en veulent à la vie du comte et à la vie de mes amis. Il faut protéger le comte, il faut nous protéger. On a des informations très importantes, capitales, qu'ils ne doivent pas avoir. Ah, et là, c'est vrai. Écoutez, je vais protéger le comte. Vous, essayez d'aller vous aider vos amis. Et tu vois qu'il a... Et il rentre dans la cabine du comte. C'est moi, allez, ouvrez, c'est pour moi. Mais vite, il faut vous protéger, vite. Et il rentre dans la cabine et t'as la comtesse qui crie le comte entend, mais qu'est-ce qui se passe. Il te voit rentrer, il le voit rentrer avec du sang, ça crie voilà. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Tu te retrouves Je vais essayer d'aider Barrington là, en fait. J'ai sauté sur le gars en fait. Essayer de le poignarder. Non, j'essaie de le poignarder. Alors là, pour l'instant, si tu veux, entre Barrington et toi, tu as d'abord, toi, de ton côté, le porteur du fez, et ensuite, tu as le gars avec le flingue. Ouais, mais pour moi, c'est le gars avec le flingue le plus menaçant. Ouais, mais pour pouvoir atteindre le gars avec le flingue, il faut que tu passes déjà celui qui a... T'es dans un couloir d'accord, de train. C'est, okay. C'est pas Versailles. Non, d'accord, ok. Le gars est accaparé sur la porte, donc j'essaie de le poignarder. Ouais, tu le surines, quoi. Ouais. Et ben vas-y, combat rapproché, couteau. Tu l'as en plus, ça tombe bien. Couteau, combat rapproché. C'est beau. J'ai claqué les points. J'ai claqué 15 points. Ok, et eh bien après tu me lances tu lances ton couteau là, enfin ton jet de... attends, comment ça se passe? Mais je lance le D4. J'ai le dégât. C'est ça. Combat, c'est un D4. Non, c'est ça. Plutôt un D4. Ouais, tu veux que j'aille voir? Non, mais c'est ça, mais j'ai les dommages, moi. C'est un D4. Bah, je lance. C'est un cran d'arrêt, je crois que c'est un D6. Bah, non, moi, mais j'ai lui, il a un D4 sur son couteau. Ouais, c'est parce qu'on a pris un couteau sans lambda, c'est pour ça. Ouais, c'est standard. C'est un couteau de cuisine à tartiner le beurre. Le cran d'arrêt, c'est un D4. Bah, ouais, je lance un D4, hein, et puis voilà. Allez, un D4, vas-y. Oh, super. Ah. Tu vois que tu lui plantes, mais il reste de marbre. Genre, tu vois, ça lui rentre vraiment, mais il reste de marbre. Il continue à... Il te calcule même pas. Il continue à frapper sur la porte, ce qui te fait froid dans le dos. Parce que tu vois un mec qui se fait suriner et qui bouge pas, qui bronche pas. Voilà. Est-ce que j'ai pas des dégâts bonus parce que je l'ai attaqué dans le dos, il m'a pas vu? Pendant ce temps-là, le gars est en train d'effoncer la porte, le haut de la porte vient de s'effondrer, il reste plus qu'une moitié, de porte, juste le bas, donc il peut presque rentrer à l'intérieur en jetant. Donc vous vous sentez de plus en plus acculé, et le tu vois que même son camarade qui a le flingue aimerait pouvoir passer et tirer, mais l'autre il est tellement fou qu'il laisse passer personne. Il a donc, vous savez que dans quelques instants, dans une minute, il passe de l'autre côté et après ça va castaner. Barrington, qu'est-ce que tu fais? T'es toujours là, tu t'es pris une balle dans la jambe. Oh, mais tire-toi. Juste comme ça, est-ce que je sens encore la présence d'une certaine ombre maléfique ou quoi, d'une présence maléfique derrière moi là, qui est... Pour l'instant, t'as juste une griffure, mais tu sais que voilà, si tu te mets dans la lumière, ça c'est la lumière en fait qui te protège. Donc tu vois que j'essaie de m'avancer. Fais-moi un jet de toc pour voir si tu vois pas un endroit lumineux où tu pourrais te protéger déjà. J'essaie de m'avancer comme je peux dans le couloir, de toute façon il faut que j'avance. Fais-moi un jet de toc. Effectivement, tu vois que la lumière de la lune illumine un angle du truc qui fait que si tu te mettais là, tu serais à l'abri d'une ombre quelconque. En me dirigeant là où c'est lumineux, je cherche à continuer à tirer. Pour l'instant, j'ai tiré qu'une balle. Hein. Bah, tire. Le revolver, je sais pas combien il y a de munitions, il a. Je sais pas combien il y a de munitions. Oh, ça doit être un. C'est un Colt 45, ça doit être un 6 coups, ça. Ouais, c'est un 6 coups, ça. Ouais. Il y a des 8 coups aussi, donc. Je retire et. J'espère pas que si je chope une balle perdue. Ouais, c'est bon. Donc ça fonctionne. Tu vas me faire les dégâts, donc c'est 1 des 10 plus 2. Ouais. Ça fait mal ton pruneau. Allez, c'est 45, hein. Et ouais. Non, ça veut pas. Oh, succès extrême. Non, mais tu peux aller dans les main, dans le main, et tu jettes le. Ça fait 5. Ah, t'as pris tout le 1 des 10 plus 2, tu as mis dedans? Non, j'ai lancé 1 des 10 là. Ah d'accord, oui. 5, d'accord. Bah, tu vois le gars qui avait l'arme, tu le tires, c'est dans lui que t'as tiré. C'est le gars qui t'a tiré. C'est le gars armé, ouais, ouais. Le gars armé. Donc tu lui tires dessus. Et donc, tu vois que tu le frappes à l'épaule, il fait tomber son arme par terre, il se tient comme ça. Et puis tu vois qu'il est en train d'essayer de ramasser son arme. Tu l'as un petit peu blessé, mais ça l'a pas tué totalement. Tu vois. Vous à l'intérieur, totalement, est à moitié mort. C'est un undead. Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Je hurle à la mort. Sam. Mort, mort. Non, mes créants. Donc Paula, tu fais que hurler. Non, je vais essayer de... Parce que je sais pas quoi c'est. T'as quoi comme arme? T'as une carabine, toi? C'est une carabine qu'il avait... Ouais, c'était une carabine, une 303, je crois. Je vais réessayer de tirer, vu que le coup est parti, en disant encore une fois à Wars d'essayer de pas être sur le chemin. Bah là, et c'est un peu difficile. Hein. Mais tu te repousses. Tu sais, le temps que je réarme le truc, t'as une petite, un petit temps de... d'action. Mais non, je vais juste retenter de tirer en disant worse, de faire gaffe, et après je prends le fusil, je retire, et si ça marche pas, je laisse tomber ce fusil qui va me casser les couilles, je jette par la fenêtre. Je sais pas, je ferai un truc énervé. Mais vu que un coup est parti, normalement c'est bon signe pour la suite, sur le fait que cette fois j'arriverai à l'utiliser. Okay. Pendant que tu vas faire ton jet, je vais demander à mon très cher Worth de me regarder les dégâts de la 303 Leafield parce que je l'ai plus sous les yeux. Donc tu me fais ton jet, pareil, là je te laisse parce qu'il a quand même ouvert, dégagé la voie. Tu as 50% de chance de le tirer dessus. Toujours pas. Est-ce que tu retentes une fois pour te suicider complètement? Pourquoi pas? Non mais c'est incroyable. Fais mal la carabine. C'est 2d6 plus 4. Hein. Là tu peux faire très mal. Là tu te one shot. Bah ouais, mais du coup je préférais éviter one shot mon ami. Non mais on va dire que tu toucheras pas... Bon, au pire, m'explosera dans les mains, je vais perdre 5 PV, allez, vas-y, je retente. Là, il y a un moment, je pense qu'il y a une histoire de malédiction. Ouais, ce soir, on est tous maudits, là. Ok, alors, j'ai eu un jet qui n'a pas été pris en compte, j'avais fait 38. Donc là, si je rate, j'arrête de jouer sur Fantasy Grand à vie. Voilà, je le dis. Ok, j'arrête de jouer à Fantasy Grand à vie. Attends, mais t'as fait 38, tu m'as dit? Mais ouais, parce que tu sais, je les ai lâchés, mais pas dans la zone écoute, de chat. Hey, je te fais confiance, de toute façon, nous, quand on joue sans voir les jets. Je te fais confiance, t'as fait 38. C'est gentil. Tu tires sur lui, tu vas me lancer ton 2d6. Je peux lancer 4. Alors, tu, comme il a dit, hein, voilà, 2d6, plus 4. Fait 5. Ça fait 9. Ça fait 9. Sa tête part en vrille, se détache de son corps. Non, non, même pas. Tu vois que la balle le frappe en plein dans la poitrine, qui se recule comme ça, qui est balancé en arrière, qui tape le truc dedans. Tu vois qu'il tombe par terre, qui se tient littéralement à genoux. Mais tu vois qu'il est pas totalement tombé, mais il est un petit peu sonné. Il est un petit peu sonné. Et si c'est une carabine, le 303, c'est des cartouches qui s'attirent. Si c'est un fusil, c'est des balles. D'accord. Non, en fait, là tu l'as touché, ça l'a projeté en arrière. Il s'est pris la vitre derrière et il a mis un genou à terre. Donc là, il s'est arrêté de frapper. Mais voilà. Donc là, il est à l'arrêt avec un genou à terre. Donc toi, qu'est-ce que tu fais, Worth? Achève-le! Tu lui mets un coup de. pour te donner la scène, entre lui et toi, il y a une demi-porte. Donc en gros, il faut que tu fasses comme ça pour. Tu vois. À part si tu c'est ouvres parti. La porte et tu fais ça, mais. À la torero, ouais. Non, je passe la main au-dessus. Et donc là, je te dis, il est à l'arrêt. En gros, je te donne. Ah, tu peux me donner un des bonus, c'est-à-dire que je coche la cage 1B, et en fait, le logiciel va choisir le meilleur entre la dizaine. Ok, ça marche. Est-ce que j'ai toujours mon bonus de base ou j'ai 50%? Oui, t'as 50%. Yes! J'rate quand même! Mais c'est pas grave, je suis quand même content. Il m'a fait deux fois 80. Et est-ce que, comme ton ami, tu retentes le coup? Oui. Avec les mêmes bonus, tout pareil. C'est bon. Voilà. C'est bon. Donc tu arrives, tu commences à prendre la pointe et fais-toi les dégâts. What? Un dé. J'ai plus. Fait deux. Oh, putain, ah mais la poisse au dé, mais qu'est-ce qu'on a fait? Ça fait 1. J'ai pas de force. je donne un coup, mais tu vois, je tatouille le fez en fait. C'est pas un poulet qu'on veut tuer là. Oh là là. Merde. Fais gaffe, peut-être que sur la tête, tu vas vivre quand même. Hein. Ah, tu lui mets un coup, en fait, tu lui transperces la main. Tu vois que t'es là, mais t'as quand même envie de te protéger, donc tu veux pas te mettre en danger. Donc tu lui transperces la main, tu vois qu'il il réagit même pas à ce que tu fais. Tu vois ça, le sabre qui lui transperce la main, il n'y a pas une réaction de genre aïe, tu vois, c'est. Tu lui enlèves le sabre et tu repars en arrière. Au fond de la pièce. Voilà, Gassard, t'es à côté, tu viens de voir, t'as vu le mec tomber au sol, un sabre passer de l'autre côté, qui lui transperce. Qu'est-ce que tu fais? Toi, t'es à côté, hein, t'as essayé de le surider, donc. Tu lui brosses les dents avec ton couteau. Brosse-lui les dents avec ton couteau. Je continue à essayer de le suriner, en fait. Je vais faire que ça. Ok, hein. Bah, redonnez un coup de couteau. Plus la gorge. J'ai dans la vie. Non, alors je te dis tout simple, hein, on va dire que c'est passé, puisque le gars il est par terre, machin, voilà. Tu peux pas le louper, honnêtement, tu peux pas le louper, donc fais ton truc. Je mets des gars, ok. Oui. Yes. Ok, donc vous voyez votre ami qui commence à vouloir le... Et son bras, en fait, toi, Worth, parce que... Paula, il est en retrait comme ça avec son pétard, donc il voit pas. Mais tu vois en gros la main de ton ami George Banks qui lui transperce la gorge. La lame qui passe et tu vois un petit bout qui arrive de l'autre côté. Il enlève sa lame. Le gars, tu vois qu'il dit rien. Il lève la tête. Il se met debout. Il vient vous faire face. Il va pour passer de l'autre côté de la porte. Sauf que d'un coup, il s'arrête. Et tu vois son corps qui vient s'affaler sur la demi-porte. Et il tombe comme ça. Mais crève, bâtard! Il a toujours son fesse accroché à la tête. J'entends bien. Pendant ce temps-là, vous avez son camarade qui, lui, s'était fait blesser. Je crois c'est à l'épaule. Ou, enfin, voilà, il avait été touché à l'épaule. Qui commence à crier. Aaah! Et qui va tirer sur Gas. Sur George Banks. Il est à 2 mètres de toi. Son arme s'est enrayée, il a plus de balles. Il est oublié dans sa cabine. Ouais, j'allais le mettre. Il va pour tirer. Tu sens que il a une vieille douleur qui revient au moins et dire PAH! La balle fait fou. Tu vois une épée de sang qui vient de. Et tu deviens sourd d'une oreille. Bah oui, parce que la détonation, la balle qui passe à côté, ça s'entend. Hein. Pour le moment, j'ai dit. J'ai entendu que de cette oreille, salaud. J'étais sourd de l'autre, putain, enfoiré. À toi, Barrington, qu'est-ce que tu fais? Tu vois que le mec vient de braquer, enfin, un des gars vient de mourir, et l'autre, il vient de braquer ton ami George Banks. Je bouge pas trop de là où je suis, parce que je me sens assez, voilà, par rapport à l'ombre. Je vais tenter d'achever le bonhomme, là. Tu sais que tu prends un risque tout de même, puisque George Banks est dans la même... Direction que ta cible. Donc il faut pas te louper. Bah, je vais faire attention. Ne te loupe pas. C'est un conseil. Allez, écoute, techniquement, allez, il est devant moi quand même, le gars. Mets-toi ta jauge de sang-froid. Ouais, bravo. Mais non. Et non, moi je veux pas mourir. T'es mon fils. Et non. Et il peut pas relancer là. Si ça. S'il rate, tu peux mourir. Hein, donc. Je tente. 99, normalement l'arbre s'enraye. Ah, j'ai des esquives. J'ai vu là. J'ai vu qu'il y a une esquive dans le jeu. Non, mais pas sur les balles, t'es pas. Mais rappelle-moi Néo, je m'en fiche. Les mecs, vous avez des abonnements aux échecs critiques. Quoi, ça. Ah, non, mais là ce soir, merde. Déjà, la partie d'avant. La semaine dernière, déjà, t'étais bien abonné. Tu veux que je relance, Gassard? Non, vas-y, vas-y. Tu veux que je tente? En vrai, tu peux tenter, ouais. Il est super tenté, si il a le droit de relancer. Tu peux perdre ton perso, là, sur le coup. Techniquement, ouais. 99, ton arme s'enraye. Et si tu relances, là, par contre, ça peut être dangereux. Ah. Bah, si son arme s'enraye, moi, ça me va. De toute façon, c'est l'adrénaline hein, quand tu. Voilà. Et... Ouais, non, mais vas-y, tiens. Il faut choisir, maintenant. Vas-y, c'est bon. Je relance. Ok. Attends, je vais prendre les dés par terre en bas de. Et j'ai 55, hein. Et voilà. S'il vous plaît. mais non, mais qu'est-ce que tu fous, bordel de merde? Mais qu'est-ce que tu fous? Évite son chargeur sur toi. Mais j'étais sûr, en fait. Comment t'avais une chance de faire 98, quoi? J'avais deux chances sur 100 000. Voilà. Ok. Tu commences toutes mes condoléances à George Banks. Tout ça parce que j'étais le seul pauvre de la bande, quoi. Tu t'es un peu en panique, ça part un peu trop en cacahuète pour toi. Il y a plein de choses qui remontent à la surface. Tu vas pour tirer. Ta main tremble un peu. Tu t'es rappelé aussi qu'aujourd'hui t'as bien picolé quand même parce que. Tout ça se revient à toi. Tu commences à tirer. La balle vient toucher George Banks. Et là, je vois ton visage se décomposer. Tire les dégâts ? Bah oui. Tu sais qu'il veut lancer les dégâts à ma place ? Non, non, lance, lance. Parce c'est que... à toi, tu assumes. Parce que, vu les chiffres max que je lance, assume. Est-ce que je perds max ? Ouais. 6. Et fais attention, si tu dépasses, s'il dépasse la moitié de ses points de vie, il fait une blessure critique. C'est pas une blessure critique. D'accord. Je suis un tank, moi. Donc tu tires, la balle vient se loger dans l'épaule droite de George Banks. Il hurle à la mort. T'as quelque chose avec les épaules aussi. Hein. Bah oui, ah, parce t'as que des tu vises Maxime le torse, donc tu visais pas les jambes. Donc en gros, c'est à hauteur de tête, quoi. Donc c'est là que tu, c'est cette zone-là que tu vas viser. Sinon, je te dis, tu vises la jambe, alors que ça voudrait que t'aies la main qui vire le bas, donc je vise là, quoi. Parce que si il est en pleine poitrine, là, c'est une grosse blessure qui fait mal, quoi. Tu vois. Donc je vise l'épaule. Donc tu prends une balle de plein de fouet, alors une balle de 45, donc ça pique. C'est mal. Tu vois George Banks qui, avec la puissance de l'impact, trébuche et tombe à l'avant renverse par terre et qui se tient l'épaule et qui crie de douleur. Mais quel con celui-là ! C'est le gars maintenant, le gars qui se tient, qui va tirer. Bah non, attends, il vient de tirer. Si, il vient de tirer sur George Banks. Donc, Polat, à toi. Si, c'est vraiment. Tout ça s'enchaîne, hein, ça y va là. Oui, ça va très très vite. En tout cas, nous, on a fini avec l'autre con, ça c'est bien. Ouais. Si j'ai bien compris. Oui. Du coup, j'allais dire, je me lève, mais en fait, non. Je reste assis. C'est bon, hein. Je suppose qu'un calibre dans le pied, ça fait un peu mal. Du coup, en vrai, je sais pas trop quoi faire. En fait, je suis paniqué. Je regarde Worth. Là, il fait quoi actuellement, là, tout de suite? Worth, il était proche de la porte. En fait, il revenait légèrement d'avoir planté l'autre. Mais il s'était reculé parce que l'autre s'était avancé pour venir mourir sur la porte. Donc, il est un peu à ta hauteur, mais un peu en avant de toi, en fait. Et tu vois légèrement le gars qui dépasse, parce que le gars est pas dans l'encadrement de la porte, il est légèrement décalé. Donc si tu veux lui tirer dessus par exemple, il faudrait que tu te décales pour avoir un angle plus précis. Ouais mais bon, au bout d'un moment, il y a un moment je vais tirer sur mon ami, c'est pas possible, hein. Je sais pas utiliser une arme à feu. Vous pouvez vous pousser quoi. Non pas moi encore. Non tu as pas George Banks, puisque George Banks a été propulsé par... Achevez-le, il est pas assez mort. Il est plus mort, ce que ça... Bon, je vais quand même essayer de tirer, mais du coup, je le signale bien vocalement, très très fort pour Worth. Non, mais Worth se met à l'opposé de toi pour pas réussir. Ouais, voilà. Worth même descend de l'Orient Express, y a pas de souci. Ok, bon alors vas-y, fais-moi ton tir. Finis-le, ce jeune homme. Oui, bah. Bon, dis ça, voilà, t'es à bout portant, 50%. Là, tu vas le rater. Là, tu vas le rater. Bon, tu tires dessus. Et malheureusement, tu tires sur une des vitres qui explose. Et là, vous avez le vent, parce que le train est toujours en marche. Personne n'a osé arrêter le train parce que les gens sont pétrifiés de peur. Et du coup, le gars qui... Enfin voilà, la vitre explose, le gars se déplace comme ça, il reçoit des bouts de verre, mais il a rien. Qu'est-ce que tu fais, le Worth, là? Tu sens que le gars, il commence à braquer son arme dans votre direction, et il va bientôt tirer. Je balance le sabre sur lui. Je le lance comme ça. De toutes mes forces. Ok, vas-y. Non, mais tu vois, au bout d'un moment, je suis pas bon en l'utilisant, je me dis, au moins, ça va le déconcentrer ou quelque chose comme ça, je vais balancer le sabre. Alors, fais-moi un jet de chance pour savoir si ça va lui tomber dessus. Là, je peux faire un jet de lancer. Ouais, mais enfin, je pense que tu jettes plus par des, enfin par genre. Bah, je veux le tuer quand même. Oui, mais est-ce que tu, enfin, t'essayes de viser sans viser quoi. Bon, bah, vas-y, fais-moi un jet de lancer. Est-ce que t'as parce un jet que, de lancer, bon, bah, si tu veux un jet de chance, y a pas de problème, mais bon, allez, jet de lancer, on y croit, je lance les dés. le master. Je vous ai pas dit, mais j'ai fait du lancer de poids. Tu lances l'épée. L'épée vient. Alors, lance-moi tes dégâts. Use. J'en parle là. 9. Le gars, ouais. Tu voyais l'épée qui tourne au ralenti comme ça. Le gars, en fait, il était en train de dégainer son arme pour vous tirer dessus à l'un des deux. Et l'épée vient se ficher dans la tête et rentre dans sa tête. Genre de ça. Et le gars, en fait, c'est part en arrière. Est propulsé contre la vitre. Mais juste avant, Paulat a détruit cette vitre. Du coup, il bascule dans le vide et sort du train. Il est expulsé du train puisqu'il n'y a pas de vitre pour le retenir. Du coup, il part. Non, mais il n'avait pas tant son ticket d'abord. Hein, c'était un fraudeur. Quoi ? Vous venez de tuer deux personnes. Vous avez votre ami George Banks qui est au sol blessé. De l'autre côté, Barrington qui lui s'est pris une balle dans la cuisse. Et Monsieur Paulat qui s'est tiré une balle de fusil dans le pied. Il n'y a qu'un qui est indemne, quoi, je te jure. Merde alors. Comment ? Attends, on va lui faire une ristourne d'un bras. Et comme ça on sera quitte. Hop, attendez. C'est pas lui, c'est lui. Vous avez réussi à survivre à l'attaque de des deux sbires de Mancaf. D'ailleurs, où est Mancaf ? Il a sauté du train, salaud. Il y a eu toute cette horreur, les gens commençaient à crier dans tous les sens. Là, d'un coup, les gens n'entendent plus rien. C'est le calme absolu. Vous voyez la porte du conque qui s'ouvre et une arme sortir avec, il semblerait, le garde du corps du conque qui sort et qui pose la question. Vous avez eu ? Ils sont à terre. Ils sont à terre. Plus de menaces. Et tu vois qu'il sort carrément. Pas. Il sort, il vous voit blessé et tout. Bon, lui aussi, il s'est fait un bandage pour son épaule. Et il regarde dans ta direction, Barrington. Genre avec des yeux noirs, tu vois. C'est une habitude pour vous de tirer sur vos alliés. Ah. Ça gagne pas, pareil. Demandez à mon ami Banks. J'ai ça avec un sourire. C'est vous qui lui avez tiré dessus ? Vraiment ? Il regarde George Banks. Il vous a tiré dessus ? Non, il a pas fait exprès. Un poté avec une arme. Ça arrive, c'est une blessure de guerre. C'est quoi ces militaires ? C'est plus ce que c'était. Ok. Et il regarde. Et vous voyez que, au bout d'un moment, toi, Worth, et toi, Paulat, le Fez. Tombe de la tête du mec. Donc dans un bruit spongieux, tu vois, et ça tombe par terre. Et le gars, en fait, voilà, vous savez maintenant qu'il a plus de fesses sur la tête, qu'il est vraiment mort. Évidemment. Que t'arrive-t-il, Worth? Je vais directement aller voir George Banks, voyant qu'il est blessé, qu'il était juste à côté de cet homme. Mm-hmm. Je vais tenter des premiers soins dans un air paniqué, quoi. Tu vois en même temps Paulat qui a l'air de te faire des signes parce qu'il a l'air de vraiment mal, d'être blessé, tu vois du sang par terre à l'endroit de. Mais bizarrement, George Banks, J'ai quelque chose, j'ai genre ce sentiment étrange de devoir le sauver obligatoirement. Je ne sais pas pourquoi. C'est un lien familial, peut-être. Ah non, mais ça a l'air d'être un truc. Si, c'est on a dormi deux soirs ensemble, c'est pour ça. C'est le sens paternel, ça doit être ça. C'est ce qu'on appelle J'ai utilisé des points de chance. Hein. L'instinct paternel. Tu verses de l'alcool fort sur la blessure et tu la plonges derrière. Après, j'ai pas. Qui presse la blessure. C'est pas une blessure grave que ce que j'ai. Hein. Vas-y, Georges, non. Non, mais ne me touche pas, arrête. C'est bon, Baba, là. C'est bon, pas devant les copains, quoi. Je l'ai utilisé en point de chance. Alors, pour le soigner. Ah, ouais, je vais voir combien ça soigne. Ouais. Du coup, tu arrives à le soigner. D'ailleurs, toi, George Banks, tu te rends compte que. En fait, il est pas si mauvais que ça. Je vais pas te perdre, moi. Mon père m'a abandonné. Tu regagnes un point de vie. Je me suis fait tout seul, moi. T'as cru quoi? Donc, tu regagnes un point de vie comme t'as dit ton papa. Donc, tu regagnes un point de vie. Il va te faire un bisou sur le bobo. Hein, je lui donne un bisou. T'as cru quoi? Un bisou magique, voilà. Vous voyez le cadavre de ce gars-là, qu'est-ce que vous faites avec lui? Bah, on le découpe, on le mange. Ah, tu vois, le pistolet, je dois le chasser dedans. Ouais. Ah non, le cadavre de... Ah oui, non, il est tombé Le cadavre du gros, le cadavre du gros. Ah, il est sanglier, mort votre demi-porte, donc il y a un côté qui est d'un voilà. Il est comme ça, quoi, tu vois. Il est perché sur la porte, là. Le fez, il est là, tu vois. Voilà, il est de votre côté. Ah, d'ailleurs, le fez. Hein. Bon, attends, je vais régaler des copains en premier soin. Je peux m'appliquer moi-même mes premiers secours? Parce que tout le monde vient à mon aide, là, j'adore. Ouais, normalement, tu peux. Et oui, après, quelques mètres à pied, j'irai couper le pied à Cassim. Les premiers soins juste après l'avoir fait sur George Banks. Désolé. Voilà, du coup, je marche, mon gars. Donc, Barrington, tu t'enlèves un point de... Un point? Un point. Je me remets un point. Tu te remets un point. J'ai raté. Désolé, Maxime Polat. Cassim Polat. Non, mais Maxime Polat, c'était mon deuxième prénom. Je sais pas comment. En fait, le truc qui s'est passé, c'est que Cassim refusait d'enlever sa chaussure. Donc, c'est vrai que c'est pas facile d'enlever, de soigner un pied à travers une chaussure. J'avoue, quand t'as le pied cassé, c'est très très, très dur d'enlever une chaussure. Ça me gênerait, là, avec l'odeur et tout ça. Moi, je coche le casque, j'ai rien. Là, faut compter, on va dire que les lumières se sont allumées. Les gens se sont un peu précipités. Il y a le chef de train qui est là, qui dit que, écoutez, maintenant, s'il n'y a plus de menaces, on va pas s'arrêter en pleine nuit. On attendra d'être arrivé à Constantinople pour la police. Certains vont prendre en charge le cadavre et vont le mettre dans une cabine qui n'est pas utilisée. Les cadavres. Non, parce que le deuxième, il est passé par-dessus bord. Ah. Et en fait, ah oui. Il a reçu l'épée dans le sabre dans la tronche. Il a reculé et juste avant, étant donné que Cassim Polat avait tiré sur une des vitres du train qui n'était plus là, il est passé par-dessus bord en fait. Il a basculé en arrière et il n'est plus dans le train, ce mec, là, tu vois. Ah, donc, j'ai en pied, gros, ils ont fait un combo ultime. C'était préparé, Cassim. Je tire sur la vitre. Comme ça, tu tires dans sa tête. Mais ne dis pas que j'étais avec eux. Donc ce super combo des professeurs, ils avaient tout prévu, tu vois. C'est... Ouais. Et du coup, bon, le cadavre est emmené. Je peux tenter un premier secours sur mon ami Cassim. Non, j'ai déjà fait. Ah, tu as déjà fait ? Je vais en faire qu'un. Ah, bah écoute, tu n'en fais. Parce que c'est lui l'MJ. Tu peux pas. Ah, non, excuse-moi. Vas-y, on fait ce qu'on veut. Essaye d'en faire un aussi. Voilà. Tu dis, ouais, écoute, okay, le professeur, d'accord. C'est bon, il est fatigué. Je vais essayer de l'aider un petit peu. Donc je te laisse, je te donne l'autorisation de faire un soin. Ouais, c'est réussi. Écoute, voilà. Le même chiffre que tout à l'heure. Il te convainc cette fois-ci d'enlever ta chaussure. Donc tu acceptes. Mais t'as raison, c'est mieux. Et donc tu récupères un point de vie. Ah, merci. Il est, en gros, il est, on va dire, 3h30 du matin, maintenant. Oh putain, mais Manu, elle est niquée pendant... Le chef de train vous dit, écoutez, s'il n'y a plus de problème, bon, ben, on... Le voyage va filer jusqu'à Constantinople. En espérant tu sais. Qu'il n'y ait pas d'autres cas de bagarre générale. Mais c'est pas possible, c'est les hommes de Cassim Polat qui nous ont attaqués, c'est les hommes de Cassim Polat qui nous ont... Cassim Polat apporté... Votre ami Je n'ai pas de rapport avec ça. C'est la faute aux hommes de main de Cassim, quoi. Non, je viens de me bouffer une balle, en fait. C'est ça. Minecraft. Mehmet Makriyat. Non, Makriyat. Mais qui est cet homme? Non, Minecraft. Minecraft. C'est pas Minecraft. Hein. On joue pas à Minecraft. C'est Monsieur Minecraft qui avait fait tout ça. Non, les hommes. Vous dites les hommes de Minecraft. Oui. Oui, mais oui, vous avez bien vu. J'ai toujours ceux qui sont avec lui là. Tu vois le gars qui se dirige vers la. La cabine de Minecraft. Et quand il ouvre la porte, elle est plus là. Quel salaud. Vrai. Il s'est enfui. Il a sauté par le train. Et d'ailleurs, tu vois le garde du corps du comte qui dit oui, son garde du corps n'est plus là. Ah, Baba Yushka, là, je sais plus comment il s'appelle. Donc, vous pouvez vous dire que le seul endroit où il aurait pu descendre, c'est à Sofia. Bon. Puisque effectivement, vous l'aviez vu à midi. Oui. Mais vous l'avez pas vu le soir. C'est bon. Mettons générique de fin, c'est bon. Et donc, bon, c'est sur ceci que nous allons terminer. Ouais, bah attends, la prochaine fois, moi je le retrouve là. Pied-bouche. À la prochaine session.